Amis auditeurs, bonsoir. François avec vous pour cette émission de calendrier, le calendrier des esclavages et des libérations. Alors, au programme ce soir, retraite. Camarade français, tenez bon, nous dit un syndicaliste belge, parce que les Belges ont à se confronter au même problème que nous, bien sûr, puisqu'ils subissent les directives européennes de la même manière, hein, chacun son tour et presque simultanément. Ensuite, France Culture, sur France Culture, influence nazie du management moderne. Alors les modernes, les vrais modernes, ils disent management, hein. Est-ce que vous dites management ou management? Ben, moi je trouve que c'est un mot français, management, hein. Enfin, ça serait ménagement, mais bon. Moderne, voilà, bah, puisqu'il faut causer pas toi, voilà, bah, c'est comme ça, hein, sur les radios commerciales, les radios locales, et même quelquefois sur les radios libres, oui, enfin, bon, c'est comme ça, ça peut changer. Interdit d'interdire, Jean-Luc Mélenchon, face aux nouvelles frontières. Ensuite, l'humoriste juif Pierre Dac cloue le bec au propagandiste de Vichy, Philippe Henriot, voilà. Ensuite, Jérôme Rodriguez nous lance un message au gouvernement, hein, lui qui a perdu un œil tout simplement parce qu'il manifestait, hein, voilà, ben il s'indigne, ben oui, on pourrait s'indigner pour moins que ça. Ensuite, ben la revue de presse, et voilà, il me restera à vous souhaiter une bonne soirée, et puis une bonne nuit et une bonne semaine. Le calendrier des esclavages et des libérations. Que s'est-il passé le 17 février? Eh bien, par exemple, le 17 février 1864, en France, parution du manifeste des 60 ouvriers de la Seine. Il propose des candidatures exclusivement ouvrières pour les élections du 20 mars, sous Napoléon III. La liste ne recueillera que 424 voix, mais le signal de l'entrée de la classe ouvrière dans la politique est donné. Eh oui, enfin, la classe ouvrière se rend compte qu'elle est nombreuse. Hein. Elle est la classe la plus nombreuse de la société, la classe la plus productive de la société aussi, et la classe la plus défavorisée de la société. 1902, Espagne. À Barcelone, grève générale de solidarité avec les métallurgistes. De nombreux anarchistes sont arrêtés. 1915, Mexique. Pacte entre la révolution constitutionnaliste et la Casa de Obreros Mondial, c'est-à-dire la maison d'ouvriers mondiale. La classe ouvrière collabore avec le gouvernement révolutionnaire. 1916, Mexique. Sous prétexte d'incidents de frontières, les USA interviennent au Mexique. En fait, il s'agit d'aider Carranza à reprendre Mexico à Pancho Villa et de mettre en échec la révolution. Allez, ben oui, les États-Unis déjà, à l'époque, déjà, et encore. 1919, Allemagne, début de la vague de grève de printemps pour défendre la révolution de novembre. Défendre la révolution de novembre dans la Ruhr. 180 000 mineurs cessent le travail. Si l'opinion publique française avait soutenu ces gars-là, eh bien, moi je vous parie que la guerre de 39-45 n'aurait même pas eu lieu. On aurait fait l'économie de 65 millions de morts environ, hein, parce qu'à 5 millions près, on n'est pas capable de dire le nombre de morts qu'il y a eu. 1931, Inde, malgré les conditions posées par le Congrès panindien, son chef Gandhi réussit à discuter avec le nouveau vice-roi Irvine sur les revendications du mouvement de libération, l'amnistie pour les prisonniers politiques et l'arrêt des représailles. 1936, USA. Grève sur l'Utah à l'usine Goodyear pour protester contre les licenciements. 35 000 travailleurs de l'Union des syndicats d'Akron sont prêts à se mettre en grève générale et la garde nationale intervient. 1936, USA, hein, USA, la première démocratie du monde, hein, d'après certains qui se disent journalistes, hein, qui causent dans le poste, à la radio, à la télé. Oui, première démocratie du monde. Ben, c'est pas forcément toujours un exemple, hein. Eh non. 1958, Indonésie. Les musulmans du nord des célèbres se soulèvent. Ils sont écrasés par les troupes gouvernementales. 1977, Afghanistan. La constitution républicaine est proclamée. Mais le pouvoir et l'assemblée élue au suffrage universel est assez faible. 1981, Pologne. Après une grève qui menaçait de s'étendre, enregistrement de l'Union indépendante des étudiants. 1983, ONU, un rapport de la Commission des droits de l'homme de l'ONU signale qu'en 15 ans, au moins 2 millions de personnes ont été exécutées sommairement. Vous entendez ça, 1983, c'est pas il y a des siècles, hein. ONU, un rapport de la Commission des droits de l'homme de l'ONU signale qu'en 15 ans, au moins 2 millions de personnes ont été exécutées sommairement. 1984, Paraguay. Première manifestation d'une certaine ampleur à Asunción depuis la prise du pouvoir par le général Stroessner. À cette occasion, Amnesty International rappelle que le pays est en état de siège depuis 30 ans, la loi martiale étant renouvelée tous les 90 jours. Voilà, c'était en 1984. Alors, mon livret s'arrête en 1984, mais bien sûr que si on pouvait le continuer, il y aurait de quoi faire plusieurs pages de 1984 à 2020. Bien sûr, bien sûr. Raoul Hedebo, welcome. Ah, bedankt, hein. Merci beaucoup. Merci de cet accueil. Alors, je le dis en français pour les Français qui ne comprendraient pas. Raoul est debout, bienvenue. Merci beaucoup. Donc, c'est la première fois que je fais une émission en bilingue. On aurait pu faire une émission en langage des signes, mm-hmm. puisque tout à l'heure les micros ne marchaient pas. Je suis ravi de t'accueillir ici aux médias. Tu es mon premier invité, je crois, étranger. Ah, puisque quel honneur. Tu nous viens d'Outremeuse. Mm-hmm. Tout à fait. Moi, j'ai voulu t'inviter parce que j'ai vu cette vidéo qui nous a tous fait rire aux médias, mais au-delà, en France. Enfin, elle a été virale sur Internet, où tu interroges ton ministre des pensions belge et t'essaies de lui... Alors, si j'ai bien compris, tu lui demandes de donner des conseils à Emmanuel Macron, quoi. Ouais, c'est ça. Et il y a à la fois un effet comique, mais aussi quelque chose de très profond dans cet échange. Et j'aurais voulu connaître la genèse de ça. Puis en même temps, j'avais envie de te connaître, qu'on parle de ce qui se passe en ce moment en Belgique, de votre système de retraite et de ton regard aussi sur la France, l'actualité, que tu nous parles de ton parti, de ton parcours. Voilà, c'est un peu l'objet de cette conversation. Eh bien, en France, il y a une même mobilisation. 1,8 million de travailleurs ont manifesté en décembre. 36 jours de grève, chers collègues. 36 jours de grève en France contre la mesure de la pension à points par des mesures européennes qu'on applique en Belgique, en France et en Espagne. Aujourd'hui, 200 manifestations dans les rues de Bruxelles. Alors mes questions vont être très simples, monsieur le ministre belge des pensions. Pouvez-vous nous apporter ici des conseils à monsieur Macron? Comment on fait pour reculer sur une mesure antisociale? Est-ce qu'on déchire la mesure? Est-ce qu'on l'enterre, monsieur le ministre? Est-ce qu'on en fait une boule, on la jette à la poubelle? Expliquez un peu à monsieur Macron comment un ministre qui a une mesure antisociale recule sur une mesure devant une telle mobilisation. Je suis très content d'entendre votre réponse. Comment est venue cette idée d'interroger ce ministre? Est-ce que tu es coutumier de ça au PTB, puisque tu es au Parti des travailleurs belges? Ben oui, oui. De toute façon, on a le droit d'interpellation toute la semaine au Parlement belge. Et on avait réfléchi sur comment on pouvait un peu aider nos camarades français qui sont en train de lutter en France. Or, il se trouve qu'en Belgique, on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais le gouvernement belge a dû reculer avec sa pension à points, hein, sa retraite à points, parce qu'elle voulait appliquer la même mesure chez nous. Et on s'était dit, ben voilà, on va interroger notre ministre, et plutôt que d'avoir toujours des questions uniquement techniques, réparatrices, etc., ben, on lui a posé la question tout de suite, mais monsieur le ministre, vous avez reculé, est-ce que peut-être expliquer à monsieur Macron, comment on fait pour reculer? Alors voilà, il y avait différentes options. Hein. Il pouvait l'enterrer, sa mesure. Il pouvait l'acheter à la poubelle. Enfin voilà, il pouvait donner un petit conseil à Macron. Ça n'a pas fait rire, notre ministre. Oui, j'ai vu ça. Donc vous avez un peu d'avance, puisque vous êtes battu contre le système qui était mis en place. Mais en même temps, si j'ai bien compris, parce que je suis allé sur Internet voir, vos retraités, l'âge moyen aujourd'hui, c'est 67 ans ou 65 ans. Explique-nous un peu votre système de retraite et ce qui s'est passé comme combat pour pas avoir cette retraite à point. Alors, d'abord, le cadre général, et je crois que ça c'est important dans la séquence politique actuelle en Europe, c'est que l'ensemble des gouvernements européens sont en train d'appliquer des mesures inspirées par la Commission européenne pour allonger les carrières et diminuer le montant des retraites. Et c'est pas un hasard, parce que ce sont des recommandations qui sont faites par la Commission européenne aux différents États. Les recommandations sont très très claires, c'est de dire, écoutez, voilà, il faut que le montant des retraites diminue, et il faut que les carrières s'allongent. Et donc, chez nous, il y a eu une attaque en plusieurs morceaux. Il y a eu d'abord l'âge de la retraite qui était chez nous à 65 ans, qui a été porté à 67 ans, ce qui est évidemment inacceptable. Pour c'était quand ça? Donc ça, c'était en septembre 2014 jusque la mesure a été appliquée en décembre 2015 dans ces eaux-là. Il y a eu des mouvements, il y a eu des manifestations. Des mouvements énormes. Donc, on a eu 4 grèves interprofessionnelles. Donc, c'est-à-dire qu'en Belgique, les organisations syndicales, toutes organisations syndicales confondues et tous secteurs confondus ont immobilisé complètement l'économie. Donc, c'est comme une des forces du mouvement ouvrier et du mouvement des travailleurs belges de pouvoir établir un tel rapport de force. Mais ça n'a pas suffi. Malgré le fait, je le dis quand même, parce que c'est un parallélisme avec la France, c'est qu'aucun des partis politiques belges, dans son programme avant les élections, n'avait la retraite à 67 ans. Donc ils ont menti, ce sont vraiment des fausses élections avec des faux programmes qui sont menés. Quand tu dis 67 ans, c'est quel que soit le nombre d'annuités ou les gens qui ont commencé à travailler très tôt. Non, évidemment. Donc de ce côté-là, a été lié à ça, un débat qui est parallèle à la France, et celui de la pénibilité L'âge de départ. Exactement. Parce qu'il faut travailler combien de temps pour être en retraite en Alors Belgique? Là, c'est en évolution chez nous. Le but, c'est de mener la première partie de la réforme avec 42 ans de carrière. Donc ça, c'est l'obligation d'avoir 42 ans de carrière. Ce qui veut dire, et c'est important, que la majorité des travailleurs devront travailler jusqu'à 67 ans, et plus particulièrement les femmes. Alors, ça veut dire que quelqu'un qui commence à travailler à 20 ans, il peut s'arrêter à 62 ans en Belgique? Alors chez nous, oui. Il y a avait encore les droits au pré-retraite. Parce qu'aujourd'hui, petit à petit, l'âge de début de carrière étant plus tardif, et plus particulièrement les carrières incomplètes, parce qu'on parle bien ici d'années complètes de travail. Donc quand on analyse les carrières des femmes, par exemple, elles sont souvent incomplètes chez nous en Belgique. Je pense qu'on a la même situation en France. Les périodes assimilées sont de plus en plus réduites. Et donc, de plus en plus, il faudra travailler jusqu'à 67 ans. Ah oui, c'est une moyenne qui a été faite. C'est ça. Qui est inscrite dans la loi aujourd'hui. Qui est inscrite dans la loi, mais c'est là où le gouvernement vient alors avec a voulu venir plutôt avec une réforme plus globale et qui est celle de la pension à points. C'est l'équivalent de la retraite à points. Donc là, la déclaration gouvernementale de 2014 invoquait la mise en place d'une pension à points et le ministre a encore dit en décembre 2017 « je vais imposer la pension à points en Belgique ». D'abord, juste l'expliquer, mais c'est assez parallèle à la situation française, qui est en gros que à chaque année travaillée, vous allez chercher un point, et que la valeur du point ne serait calculée qu'à la fin de votre carrière. Comment calculer la valeur du point ? La variable sera d'une part l'espérance de vie, c'est-à-dire plus l'espérance de vie en Belgique sera élevée, moins la valeur du point sera élevée, et l'état des finances de l'État. Si les finances sont dans le rouge, une diminution de la valeur du point. Donc, et là, dans ce projet inique, ça c'est moi qui donne mon avis, tout à fait. Qui contrôlait cette valeur du point ? Alors donc ça, c'était le gouvernement qui fixait la valeur du point. Donc c'est vraiment incroyable. Et c'est ça qui a justement fait que la réforme a rencontré énormément de résistance au niveau des travailleurs. En décembre, il dit « je vais l'imposer au cours des vacances ». Décembre 2017. Il y a une grande lutte qui se déclenche grâce aux organisations syndicales et sur le plan de la mobilisation, mais aussi sur le plan de l'information. Je pense que ça, c'est vraiment important d'avoir pu entraîner l'ensemble des travailleurs, pas uniquement les secteurs forts, mais l'ensemble des travailleurs du privé, les jeunes, dans une information. Et donc là, on a eu notre contribution avec le PTB d'arriver réellement à démontrer que ce aurait été une pension tombola. Faut le dire aux gens. Tu n'allais pas savoir, je dirais, avant la fin de ta carrière, de combien était la valeur du point. Et là, vraiment, on a eu une résistance qui s'est établie très largement, avec comme point culminant une manifestation au printemps 2017, avec 70 000 personnes dans les rues de Bruxelles, et où là, le ministre, petit à petit, a dit « bon, ben, je vais l'imposer avant les vacances », et puis il a dû dire « je vais l'imposer avant la fin de l'année », et finalement, il n'a pas réussi à l'imposer. – Et là, c'est toujours comme un serpent de mer, ça revient ou c'est complètement abandonné ?– Donc là, clairement, il a abandonné. Donc là, j'ai encore interrogé au niveau du Parlement pour dire qu'est-ce que vous voulez faire avec votre mesure. Il dit bon, ben, on verra, on va étudier. Un ministre libéral ne dit jamais qu'il abandonne sa mesure. Il va dire bon, on va encore y réfléchir, etc. Donc la mesure est réellement annulée et c'est une victoire importante non seulement pour nous, mais aussi pour les travailleurs français. Parce que c'est ça que je dis quand nous, avec le PTB, on va en solidarité à Paris ou à Lille ou quoi, on ne va pas qu'en solidarité avec les travailleurs français. C'est aussi pour nous protéger nous-mêmes. Parce que les travailleurs français doivent comprendre que le but de la Commission européenne et de Macron, c'est de faire un exemple de la France en cassant la résistance ici et en revenant évidemment avec la pension à points en Belgique. Donc là, les deux luttes sont vraiment, elles sont liées, quoi, intrinsèquement liées. C'est la raison pour laquelle cette solidarité est aussi importante. Ce qu'il faut dire, vous avez une chance par rapport à nous en Belgique en ce moment, c'est que vous n'avez pas de gouvernement. Alors, ça c'est clair, c'est qu'on a à nouveau depuis un an dans un gouvernement minoritaire. C'est un gestionnaire de faillite, quoi. Exactement. Bah bon, nous on a l'habitude en Belgique, on a eu 580 jours sans gouvernement, et je dois dire que ça fonctionne pas si mal que ça. D'ailleurs, c'est assez incroyable. On voit que la politique continue, mais c'est effectivement une crise politique complète en Belgique, à l'instar de beaucoup de pays européens où la classe politique traditionnelle est en crise complète parce qu'elle a cogéré l'ensemble de cette économie néolibéral depuis 20-25 ans, et donc on a une crise du néolibéralisme, de la démocratie chrétienne et des partis libéraux. Et c'est pour ça aussi qu'on a des partis alternatifs comme le PTB qui grandissent, mais malheureusement aussi l'extrême droite et le populisme de droite. – Alors pour les Français qui ne te connaissent pas et qui ne connaissent pas ton parti, d'abord j'ai oublié de te situer, tu es très jeune, non ?– Bah ouais, 42 ans, ça va. – 42 ans, tu es très jeune. – Moi je fais plus jeune, ça fait plaisir, hein. Merci Denis. – Non, et donc tu es député et porte-parole de ton parti. Vous avez 12 députés au Parlement de Bruxelles. Comment ça se passe entre les Flandres et la Wallonie ? Que représente en termes de pourcentage ton parti par rapport aux autres ? Le rapport gauche-droite, la force des écolos ? Est-ce que tu peux situer un peu ton parti dans le paysage politique belge pour savoir d'où tu parles et quelle est ta représentativité par rapport à la démocratie belge, on va dire ? C'est ça. Donc nous, bah, voilà, le PTB, donc on a un parti marxiste, hein, je veux dire, qui est présent et au sud et au nord et au sort du pays. Donc il faut savoir pour les téléspectateurs français que la plupart des partis politiques belges sont divisés suivant leur région. Et c'est marrant que tu dis marxiste. En France, c'est un mot qu'on n'utilise pas quand on... Moi, je trouve important. Je trouve ça se revendiquer. Moi, je fais toujours une analyse du capitalisme par cette grille d'analyse. Oui, aujourd'hui, il y a une exploitation des travailleurs. Oui, aujourd'hui, il y a un problème que notre économie, on n'a rien à dire sur notre économie. Il y a qu'une petite partie de la population nommée les grands actionnaires qui décident. Moi, je trouve que c'est pas normal. Et c'est clair que cette grille d'analyse, sans faire un copier-coller du passé, on va être créatif pour le futur, mais sans qu'une grille d'analyse qui me convienne. Alors, pour résumer, si je dis que vous étiez, il y a une dizaine d'années, un parti groupusculaire, vous représentez 2-3%, qu'on pourrait associer, enfin, si je me trompe, tu m'arrêtes, hein, au NPA un peu, ou à Lutte Ouvrière, ou à ce genre de parti. Aujourd'hui, enfin, l'année dernière, vous représentiez 24 ou 25% dans les sondages. Aujourd'hui, vous êtes à 17-18. Mmh. Toute Belgique confondue ou uniquement Non, donc en fait maintenant les sondages nous mettent à 17-18% du côté francophone et on est passé à 8,5% du côté flamand. Mmh. Donc c'est une réalité qui est différente. Hein. La Belgique est un très beau laboratoire pour l'ensemble d'une gauche radicale qui se veut européenne. C'est-à-dire qu'on est un peu à la limite entre une influence germanique, je veux dire, et une influence latine, et qui donne aussi la force de notre mouvement social. Vous savez, nous, le syndicalisme organisé, il est né en Flandre. La spontanéité combative ouvrière était présente en Wallonie, et ce marxisme politique, comme il existait chez nous dans notre pays, venait de Bruxelles, quoi. Donc c'est vraiment cette force qui nous venait de différentes régions, nous a permis justement de souder la force du mouvement ouvrier en Belgique. Et aujourd'hui, évidemment, il y a des réalités très différentes politiquement. Vous avez une extrême droite qui est forte du côté flamand, avec le Vlaams Belang, qui est maintenant dans les sondages à 23-24%. Mmh. Et vous avez une Wallonie où on n'a pas d'extrême droite. Donc, vous voyez un petit peu les différences mais qu'on vous a. Vous avez Didier Reynders, non ? Alors là, on a Didier Reynders, l'homme qui parle à l'oreille des riches, donc on a un mouvement libéral, ben voilà, avec Didier Reynders qui est très agressif contre les travailleurs, quoi, qui eux doivent être autour des 20%. J'ai compris. Enfin oui, c'est un peu comme Macron ici, non, Reynders ? Sauf qu'il est très ami avec Sarkozy. Enfin, c'est... Ouais, mais bon, tout ça, ils se mettent les uns d'accord les autres, etc. Vous savez, Macron, quoi, il a dit, moi je serai ni gauche ni droite, c'est toujours la même chose, quoi. Là, c'est toujours le ni gauche, hein, je veux dire, c'est toujours la même chose. Ni gauche ni droite, mais surtout ni gauche. C'est nous aussi, il y a des partis qui disent non, on n'est plus de droite, on n'est plus de gauche, etc. Non. Et donc nous, pour revenir un peu à ta question, voilà. On a en tout une quarantaine de députés et au niveau régional et au niveau fédéral, et on a une force qui est montante. On est voilà quatrième parti du côté francophone du pays, on est premier parti d'opposition du côté wallon, et du côté de la Flandre, dans une situation beaucoup plus complexe qu'on va retrouver dans d'autres pays européens, on a une gauche radicale du PTB qui augmente et qui passe maintenant, voilà, qui a eu aux dernières élections, est passée à 6%, avec 4 députés qui nous viennent de la Flandre et 8 députés qui nous viennent de la francophonie. Donc de ce côté, on a une dynamique intéressante. Et les écolos représentent combien ? Donc là aussi, différent des deux côtés du pays, mais je dirais une vingtaine de pourcents du côté francophone et... Si ma mémoire est bonne, je dirais entre 12% du côté néerlandophone. Ça veut dire qu'en Belgique, comment ça se passe l'équilibre gauche-droite, centre Il faut savoir que chez nous, qu'on est dans un pays de coalition, donc c'est pas la même chose évidemment que le système français, avec quand même globalement tous les partis traditionnels qui appliquent les politiques européennes d'austérité néolibérale. Je veux quand même le dire que chez nous, c'est des partis écologistes qui ont voté la libéralisation du secteur énergétique. Je veux quand même le dire, qui a créé des monopoles qui vraiment ont de plus en plus de puissance sur notre secteur énergétique belge. On n'a plus rien à dire en Belgique d'ailleurs. Hein. C'est les Français qui contrôlent tout. Hein. Voilà, exactement. EDF a racheté. Ouais, c'est ça. Donc on a vraiment, les monopoles. Il y a 7 grands monopoles énergétiques qui contrôlent toute l'Europe. Donc Et il faut dire que vous payez, c'est vous qui payez le plus cher en téléphone, en gaz, en électricité, c'est affolant. Enfin, j'ai des amis belges qui sont, je trouve que je paye beaucoup en France. Ouais. Mais vous êtes effectivement un laboratoire de ce que produit le libéralisme en termes d'économie. Complet. Mais en même temps, vous restez un pays assez calme, en termes de manifestations. Il n'y a pas une insurrection. Enfin, est-ce qu'on peut parler d'insurrection en France ? Quel est ton regard, toi, sur la France, depuis le mouvement des Gilets jaunes ? Comment tu regardes ça ? Ben, nous, c'est très inspirant, évidemment. Karl Marx disait toujours que la France était le pays où la lutte de classe s'exprimait la plus clairement. Hein. Il avait déjà dit à 150 ans, et je pense qu'il a raison. Il y a une lutte où toutes les forces en présence se cristallisent le plus possible. La répression qui est vécue ici en France, c'est assez incroyable pour les Français, mais aussi pour les Belges. C'est vraiment comment les États européens peuvent tolérer que Macron utilise autant sa police répressive pour casser un mouvement social. C'est vraiment incroyable. La radicalité dans la lutte, pour nous, est assez exemplaire. Quand on voit que des cheminots vont toucher peut-être 100 euros sur leur mois parce qu'ils ont fait grève tout un mois, c'est impressionnant. De ce côté-là, il y a une inspiration. Les gilets jaunes, dont on a eu des secousses aussi en Belgique. Je veux dire, la France inspire aussi en Belgique. On a eu notre mouvement des gilets jaunes, mais qui était moins large, je veux dire, qu'en France. Donc on a une inspiration importante dans la résistance pour nous. Et en même temps, je pense qu'on peut apporter, nous aussi, des spécificités belges qui peuvent aider les camarades français. Comme la question qu'il est possible de faire reculer le gouvernement sur la pension à points. J'ai eu énormément de messages après la vidéo dont on a parlé au début d'émission. J'ai reçu des centaines de messages français jusqu'au moindre recoin de la France où des gens me disaient « Ah, mais ça nous donne espoir. Si votre ministre des Retraites a pu faire une marche arrière, pourquoi il ne le ferait pas en France ?» Donc, je pense que là, on a beaucoup à apprendre les uns des autres aussi dans notre résistance européenne. – Mais ceci étant, quand tu dis que vous avez fait cette grosse manif en 2017 à Bruxelles où vous étiez 70 000, en France, tu suis le mouvement, là, le mouvement des Gilets jaunes puis le mouvement contre les retraites, il y a certains jeudis où il y avait plus de 2 millions de personnes dans la rue et ce gouvernement est inflexible. Pour l'instant. Pour l'instant, moi je pense que c'est quand même une faiblesse quand je vois la communication de Macron actuellement. Je trouve que il y a quand même une réelle faiblesse. Je pense que le gouvernement est en train de perdre la bataille de la communication en France. Quand on voit qu'après des semaines de grève, il y a toujours 60% de soutien. Je trouve ça impressionnant, alors qu'on a quand même une certaine partie de la presse française, pour ne pas dire une grosse partie, qui prend position contre le mouvement. Je ne sais même pas sur quelle base légitime d'ailleurs. Je pense que l'intérêt maintenant, si je peux donner un conseil du côté français, c'est d'élargir le mouvement vers les secteurs peut-être moins militants, moins traditionnellement bastions pour le monde syndical. Et je pense que là, quand on voit les actions qui se passent dans le monde culturel français, ça donne la chair de poule. Je veux dire, que ce soit au niveau de l'opéra, que ce soit au niveau des Radio France, que ce soit au niveau... Je crois que là, il y a une piste de solution pour aller toucher des gens. Pour qui sera peut-être la première fois qu'ils iraient manifester? Je pense que là, il faut élargir le mouvement et tenir dans la longueur. Je pense que le gouvernement n'est pas en train de gagner la bataille de la communication, et c'est important. Combien de combats n'avons-nous pas perdu en Europe parce qu'on perdait la bataille de la communication? Ici, c'est pas le cas. Justement, si on essaie de prendre exemple sur la Belgique, qu'est-ce qui fait, parce que tu as posé la question à ton ministre des Pensions, qu'est-ce qui a fait qu'il a fléchi à un moment donné? C'est la manifestation, c'est ça? Ou c'est aussi parce que les télévisions ou les médias belges ont pris fait et cause pour vous dans cette histoire de retraite, ce qui n'est pas le cas en France? Moi, je pense qu'il y a, non, ce qu'il y a eu, à mon avis, c'est que dès le départ, on était sur la balle. Donc, dès qu'il a commencé à préparer son débat, et c'est ce que les organisations syndicales ont fait en France aussi, déjà il y a un an, en voyant venir. Mais deux, je pense réellement que l'enjeu d'expliquer aux gens le fond de la mesure. Parce que les retraites, c'est pas un dossier simple. Hein. Oui, chez nous, il y a les tantièmes, les régimes spéciaux, les 45e fois le cosinus de la tangente, etc. Tu comprends plus rien du tout. Quoi. D'ailleurs, le ministre belge, une des grosses erreurs qu'il avait faites, c'est qu'il avait mis sur pied un site internet qui s'appelait mypension.be. Et c'était un site où tu pouvais aller calculer ta retraite. Donc, tu introduisais tes coordonnées et tout, tu appuyais sur Enter, on te disait combien tu allais. Et lui, il pensait qu'en mettant ce site sur pied, il allait rassurer les gens. Donc lui, il met du pognon, il dit on fait mypension.be. Ah ouais, il y a 1 million de Belges qui ont été sur le site pour aller regarder combien ils allaient toucher avec leur carrière. Mais les gens, quand ils ont vu ça, la première chose qu'ils ont fait, c'est ok, on va manifester. Ils ont regardé 900 euros, 920 euros, parce qu'il faut savoir que les pensions sont encore plus faibles chez nous qu'en France. Hein. Donc il y a 25% de différence dans le montant des retraites entre la Belgique et la France. Et c'est pour ça que l'Europe et la Commission européenne appuient Macron pour casser la résistance française. Parce que la France donne encore 14 à 15% de son PIB aux pensions. Chez nous, c'est 10%. Belgique. C'est vers ça que le patronat français veut aller. 10%, ça veut dire qu'on va faire reculer toutes les retraites en France. Et c'est pour ça qu'ils veulent casser la France. Je pense que le monde politique de gauche doit se mouiller la chemise aussi. Je pense vraiment que c'est un combat commun qu'on doit pouvoir mener là-dessus. Et rester sur des points très clairs de revendication. Nous, on avait dit, je pense que ça c'est positif en France aussi, retrait de la pension à points. On commence pas à discuter, oui, mais l'âge pivot, et si on le retourne... Non. Si tu commences à faire ça, tu commences à perdre complètement le mouvement. Ou bien isoler. Hein. Alors, les policiers, on va leur donner. Là, on va faire une concession. Oui, mais c'est classique. C'est ce qu'ils ont fait. Exactement. C'est ce qu'ils font. Exactement. C'est divisé pour régner. Et nous, en France, on a la CFDT, une partie des syndicats autonomes, qui maintenant viennent de dire, comme il a reculé sur cet âge soi-disant pivot, tu as vu, ils viennent de dire ils ont engagé des négociations, ce qui fait qu'il y a une rupture syndicale et il y a même des grosses guerres entre les deux syndicats. Est-ce que ça se passait comme ça en Belgique aussi? Bah, la situation n'est pas simple non plus. On a deux grands syndicats, on a même trois syndicats, mais en tout cas la FGTB et la CSC, c'est clair qu'il y a pas mal de discussions en interne, et dans toutes les organisations syndicales, vous avez un courant plus combatif, un courant qui est moins combatif, un courant qui veut tout de suite discuter des négociations. Excuse-moi Raoul, vous, votre courant moins combatif, est-ce qu'il était quand même opposé au système à points? Globalement, oui. Je pense qu'une des forces qu'il y a eu, les deux organisations syndicales ont publié à plus de 1 million d'exemplaires un journal d'information, notamment sur la pension à points, qui était très très bien fait. De ce côté-là, il y a eu un front commun. C'est d'ailleurs ce front commun qui permet d'avoir une grève générale et qui a été très suivi. Ouais, non, c'était très suivi dans énormément de secteurs. L'économie était vraiment à plat, quoi. De ce côté-là, c'est vraiment assez exceptionnel. Dans la rue des blancs manteaux, dans la rue des blancs manteaux, le bourreau s'est levé tôt, c'est qu'il avait du boulot, trop qui coupe des généraux, des évêques, des amiraux. Dans la rue des blancs manteaux, dans la rue des blancs manteaux, sont venues des dames comme il faut, avec de beaux affutiaux, mais la tête leur faisait défaut. Elle avait roulé son haut, la tête avec le chapeau. Dans le ruisseau des blancs manteaux. Reinhard Heun est un juriste brillant et un intellectuel organique du Troisième Reich. Fonctionnaire SS très vite repéré, il gravit les échelons jusqu'au grade d'Oberführer, général. Sa mission, réfléchir à la meilleure façon de faire mieux avec moins. Car l'Allemagne étant son espace vital, c'est l'une des raisons d'être du nazisme, et il faut administrer ce territoire en temps de guerre, donc avec des moyens réduits. De cette contrainte et du cadre conceptuel dans lequel elle s'inscrit, marqué par le racisme biologique et le darwinisme social, naît toute une théorie de la direction des hommes, ou Menschenführung, qui continuera d'alimenter le monde du travail après-guerre. C'est cette théorie que vous analysez, Johann Chaputo, bonjour. Bonjour. Reinhard Heun est le personnage central, ou en tout cas l'un des personnages centraux de votre essai « Libre d'obéir, le management du nazisme » à aujourd'hui, publié donc dans la collection NRFSC chez Gallimard. Vous êtes historien, professeur d'histoire contemporaine à l'université Paris-Sorbonne, spécialiste du nazisme. On vous doit des ouvrages comme « Le nazisme et l'antiquité » aux presses universitaires de France, ou « La loi du sang, penser et agir en nazi », c'était déjà chez Gallimard. S'il fallait tirer un fil qui lit tous vos travaux, ce serait de montrer en quoi le nazisme n'est pas un accident de l'histoire, une exception allemande incompréhensible, mais bien une histoire européenne. Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à la question du management chez les nazis, la rencontre dans les archives, celle de ce personnage, Reinhard Heun? Alors déjà, je me suis intéressé à la culture normative nazie, c'est-à-dire à toute la littérature juridique, biologique, technique, administrative, qui disait comment se comporter, comment penser, comment agir. Et forcément, j'ai rencontré des problématiques managériales, puisque, comme vous l'avez dit, le Reich s'étend de manière inédite dans l'histoire allemande. Et de manière concomitante, il y a moins de ressources humaines, comme on dit déjà à l'époque, hein, de matériaux humains, de Menschenmaterial, parce que il y a de plus en plus d'hommes sous l'uniforme. Donc, effectivement, il faut faire plus avec moins, il faut faire mieux. Il faut penser la transformation de l'administration pour administrer ce gigantesque territoire. Et par ailleurs, en matière économique, il s'agit de produire selon des quantités absolument inouïe et inédite dans l'histoire allemande, puisque il s'agit de produire un armement qui doit permettre de conquérir la totalité de l'Europe, de l'Atlantique à l'Oural. Alors, on va tout de suite évacuer ce qui pourrait être un malentendu à la lecture du titre de votre ouvrage, Yoann Chapoutot, Le management du nazisme, en tout cas du sous-titre du nazisme à nos jours. Ce n'est pas un livre réquisitoire contre les managers. Il ne s'agit pas de dire que le management est d'origine nazie ou une activité criminelle par essence, mais plutôt d'essayer de voir en quoi il a été cette réflexion. Et d'ailleurs, il y a un terme allemand, hein, qui est, le terme management est un terme américain. Je vous relaisserai, j'ai déjà tenté en introduction, je ne suis pas sûr de l'avoir bien fait, de dire Menschenführung, mais je vous laisserai le redire Yoann Chapoutot. C'est plutôt de dire qu'il y a une matrice nazie, mais pas non plus qu'il y a une origine nazie du management. Le management, comme réflexion sur l'organisation optimale d'une structure de production, préexiste bien entendu au nazisme. D'ailleurs, ce que disent les théoriciens du management, c'est que cette origine est française. Hein, c'est un ingénieur français, un ingénieur des mines qui s'appelait Henri Fayol, qui a imaginé ça. Mais alors justement, Fayol est critiqué par les nazis parce que Fayol est français et rien de ce qui vient de France n'est bon. Et parce que par ailleurs, cet ingénieur français est trop cartésien, trop mathématicien, trop hiérarchique et trop vertical. Et c'est d'ailleurs ce que reprochent les managers nazis aux Français, c'est d'être trop centralisateur et trop autoritaire. Hein. On est à front renversé hein, dans le rapport ici franco-allemand. Et d'ailleurs, c'est pour cela qu'ils opposent l'administration à la française, la Verwaltung, donc qui est précisément centralisatrice, verticale et hiérarchique, à la Menschenführung, c'est-à-dire la direction des hommes, mais qui est un mot qui est inventé par les nazis pour parler de management, parce qu'ils ne veulent pas utiliser un terme anglais ou américain. Les nazis sont toujours soucieux de germaniser les termes. Ils opposent donc l'administration à la française, à la Menschenführung, au management à l'allemande, qui, lui au contraire, de manière assez contre-intuitive pour nous, est libéral. Ça, on va y revenir évidemment, puisque c'est deux des grands enseignements de votre ouvrage. Il y en a d'autres, Libre d'obéir et Yoann Chapoutot. C'est à la fois cette approche libérale de la direction des hommes et une certaine opposition à l'État, l'État comme principe d'organisation auquel s'oppose l'élan vital, le Lebensraum. Et ça, évidemment, on y reviendra. Mais encore un mot tout de même de ce Reinhard Heine qui arrive assez vite dans votre livre et qui va servir de fil directeur. Vous le décrivez comme une sorte de Joseph Mengele du droit, ce qui le place, Joseph Mengele, qui était le médecin bourreau nazi du camp d'Auschwitz, ce qui le place tout de même dans une certaine lignée difficile. Qu'est-ce qui fait que vous en parlez comme ça? La comparaison entre les deux est vite établie, puisque ce sont tous deux de jeunes trentenaires, très travailleurs, très ambitieux, qui ont des ambitions universitaires. Hein. Joseph Mengele torture des jumeaux pour obtenir une habilitation et une chaire de professeur de médecine. Reinhard Heine devient rapidement, grâce à la SS, professeur de droit à l'Université de Berlin. Ce sont des gens issus de la moyenne bourgeoisie cultivée, de droite, traumatisés par la défaite de 1918 et qui veulent s'investir dans, non seulement dans leur carrière, ils travaillent pour eux bien entendu, mais aussi dans le relèvement national de l'Allemagne. Ils disposent de tous les codes sociaux, culturels, ils sont bien élevés, ils sont à l'aise dans les mondanités, dans le réseautage. Et ce sont des gens donc absolument implacables dans leur ambition pour eux-mêmes comme pour l'Allemagne. Reinhard Heine termine quand même au grade de général SS, hein, de Oberführer, ce qui est un des grades les plus élevés de la hiérarchie. Et c'est quelqu'un qui est extrêmement actif dans deux domaines, dans la pensée de l'ordre racial nouveau du continent européen. C'est quelqu'un qui a cofondé une revue qui s'appelle Empire, Ordre Racial et Espace Vital, avec d'autres jeunes gens de sa génération et de sa compétence, eux aussi juristes. Et par ailleurs, c'est quelqu'un qui pense la destruction ou la disparition de l'État qui doit être remplacé par des agences. Sauf qu'à la différence de Mengele, Reinhard Heine, lui, après la Seconde Guerre mondiale, il va s'en sortir. Et c'est même une sorte de paradoxe, parce que Mengele, lui, s'enfuit, on le sait, change de nom, s'enfuit en Amérique du Sud. D'autres dignitaires nazis, SS, et même de moins importants que Reinhard Heine, tentent de fonder une nouvelle vie, de se cacher au sein de l'Allemagne. Lui ne se cache pas, mais il s'en sort. Oui, alors il faut voir que Mengele a du sang sur les mains, et ô combien, Reinhard Heine, non. Parce que c'est quelqu'un qui a échappé, justement, au type de gestion des ressources humaines, comme on disait déjà à l'époque de la SS, qui veut que les criminels de bureau soient envoyés sur le terrain assassiner des gens de temps en temps pour connaître un peu la réalité. Alors ça arrive à quasiment tous les collègues de Heune, mais pas à lui, qui parvient à se maintenir dans à la tête de son institut de recherche sur l'État auprès de l'Université de Berlin et qui ne va jamais sur le front de l'Est. Donc il n'a assassiné personne de ses mains et il n'y a aucune nécessité à ce qu'il fuit. Alors, il va se masquer pendant quelques années, il va un peu changer d'identité tout en gardant sa famille, et puis très rapidement, il va bénéficier des lois d'amnistie à partir de 1949 et de ce grand lessivage, de ce grand blanchiment des anciens nazis, des anciennes chemises brunes qui vont être adaptées, acculturées à la nouvelle république démocratique, libérale, parlementaire de l'Allemagne fédérale. Oui, vous citez un certain nombre de cas exemplaires de cette évidemment de ce passage dans l'administration de la République fédérale d'Allemagne de dignitaires nazis et aussi dans le privé, puisque c'est de ça qu'il s'agit aussi avec la question du management, c'est que les anciens dignitaires nazis sont très prisés dans les entreprises privées. Oui, parce que d'une part, des gens comme Reinhard Heun sont des gens qui ont été très bien formés, ils ont généralement un doctorat, ils ont une très bonne formation universitaire, et par ailleurs, pendant 12 ans, l'industrie privée ou l'économie privée a vécu une véritable orgie de commandes et de profits grâce à eux, puisque la SS est également un empire économique, un empire concentrationnaire qui loue à des tarifs défiant toute concurrence une main-d'œuvre quasi gratuite donc à l'industrie allemande. Donc ces gens-là, dans l'industrie privée, n'ont pas oublié les services rendus. Et donc on se rend compte qu'après 1945, les réseaux SS, et singulièrement les réseaux du SD, c'est-à-dire du service de renseignement de la SS auquel appartient Reinhard Heun, ces réseaux-là sont en place partout, dans la haute administration, dans le privé, dans la diplomatie, à l'université, à l'hôpital, dans la police. Et ces réseaux-là permettent de recycler, de recaser ce qu'on appelle les alte Kameraden, les anciens camarades qui sont dans la difficulté. C'est exactement ce qui arrive à Reinhard Heun, qui est d'abord employé par un think tank patronal à la fin des années 40 et qui très rapidement se voit mandaté pour créer une école de commerce. Une école de commerce qui est une sorte d'équivalent de l'INSEAD en France, c'est-à-dire une école de cadre pour des gens qui ont déjà fait leur entrée dans la vie active, et ou la Harvard Business School. Et quand je fais la comparaison avec ces deux écoles prestigieuses, l'une française et l'autre américaine, c'est que c'est une école très prestigieuse et que Reinhard Heun va former un certain nombre de dirigeants de grandes entreprises allemandes. Oui, alors, et puis la comparaison est d'autant plus fondée que la Harvard Business School est la matrice, puisque dans le cas de la France, comme dans le cas de l'Allemagne, il y a une forme d'aggiornamento économique et idéologique. On opte pour, on est dans le monde libre, on opte pour le capitalisme atlantiste, libéral, productiviste, et donc il faut faire comme les Américains. Alors, en Allemagne, on crée l'école de Bad Harzburg, qui est dirigée par le général SS Reinhard Heun en 1956. Et en France, c'est l'INSEAD qui est créé en 1957 par décision gouvernementale, puisqu'il faut bien s'adapter au temps nouveau, au monde qui change, et transformer le pays, comme on dit. Alors, rentrons un petit peu plus avant, si vous le voulez bien, Johann Chapoutot, dans ce livre « Libre d'obéir, le management du nazisme à nos jours », publié donc chez Gallimard dans la collection NRF Essai, en s'intéressant à cette question de la liberté. Parce que c'est vrai que associer le terme de liberté au terme de nazisme, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude d'entendre. Or, ce que vous nous dites, c'est qu'il y a une conception paradoxalement libre du travail, d'un travail non autoritaire. On a cité Reinhard Heun, il faut citer Wilhelm Stuckart et Werner Best, qui sont donc ces deux juristes qui l'accompagnent, dont l'un est tout de même le père des lois de 1933 sur la restauration de la fonction publique allemande et des lois de Nuremberg. Et l'autre, Werner Best, est un des architectes de la Gestapo. Donc bref, des nazis aussi convaincus et importants. Et pourtant, ils ont une approche libérale, dites-vous, du travail. Bah oui, c'est le deuxième épisode contre-intuitif. Le premier épisode, c'est d'associer nazisme et management, parce qu'après tout, on voit pas très bien le rapport dans un premier temps. Et puis ensuite, on se dit que si les nazis sont intéressés au management, ça va être forcément vertical, autoritaire et parfaitement oppressif. En fait, pas du tout. Pas du tout pour une raison simple, c'est que les nazis ont très bien compris que pour produire dans des quantités absolument inédites dans l'histoire, pour produire aussi massivement, il fallait motiver ce que l'on appelait le matériau humain, le Menschenmaterial, qu'on appelle aujourd'hui la ressource humaine. Il fallait motiver le facteur de production qui était le facteur travail. On ne conduit pas les gens à la schlag. Voilà. Et c'est pour cela qu'il y a une réflexion sur la joie dans le travail. Vous avez un gigantesque comité d'entreprise qui est créé en 1933 à l'échelle du Reich, qui s'appelle la KDF, la force par la joie, l'association Kraft durch Freude, et qui organise les loisirs des ouvriers, qui bénéficient par ailleurs d'une politique politique sociale et fiscale avantageuse, comme elle est pour tous les Allemands quand ils ne sont pas considérés comme des ennemis du régime, les gens de gauche, ou comme des allogènes, les juifs par exemple. Donc là, il y a une réflexion là-dessus. Par ailleurs, les nazis considèrent que leur État est un État, je cite, un État de droit national-socialiste. C'est-à-dire que ce n'est pas une dictature. La dictature, c'est les soviétiques. La dictature, c'est les rouges, c'est les asiatiques, c'est Staline, hein. C'est l'Orient, la dictature. Les nazis sont fidèles à cette espèce de topos un peu ethno-nationaliste qui a cours au moins depuis Hegel en Allemagne, qui veut que l'Allemagne est la patrie de la liberté. Hein. La liberté s'est déplacée d'est en ouest et elle s'est parachevée dans la Prusse de l'état de droit et évidemment sous le Troisième Reich. Alors ça vaut pour le niveau politique. Au niveau politique, les nazis disent le Reich n'est pas une dictature, puisque le Führer auquel nous obéissons est celui qui a le mieux compris les lois de la nature et de l'histoire. C'est pour ça qu'il est le Führer, non pas par naissance ou par élection, mais parce que c'est celui qui a tout compris. Donc aussi parce qu'il vient du peuple. Absolument. Il vient du peuple et il a tout compris à la nature et à l'histoire. Donc quand le Führer veut quelque chose, c'est moi qui le veux, même si je ne le sais pas. Parce qu'il est en avance, c'est une avant-garde morale et intellectuelle. Donc en obéissant au Führer, je m'obéis à moi-même. C'est-à-dire j'obéis à des principes qui vont faire ma prospérité, ma santé et mon bonheur. Donc je suis libre politiquement. Ceux qui ne sont pas libres politiquement, ce sont les méchants qui vont en camp de concentration. Mais moi, si je suis un bon nazi, je suis libre. Eh bien, dans ce qui est vrai au niveau politique est vrai également dans le domaine économique. Parce que dans le domaine économique, il n'y a pas d'opposition entre patron et ouvrier. Ça, c'est une vulgate marxiste. C'est jettiste, on dirait aujourd'hui. C'est-à-dire l'opposition entre les patrons et les ouvriers, la lutte des classes. Il n'y a pas de lutte des classes, c'est une invention marxiste. Il n'y a pas de lutte des classes parce qu'il y a une unité de race. Autrement dit, lorsque je suis employé ou ouvrier, je suis un compagnon producteur, ein Betriebsgenosse. De la même manière que quand je suis dans l'ordre politique, je suis un Volksgenosse, c'est-à-dire un compagnon racial. Et dans l'ordre politique, j'obéis au Führer, c'est-à-dire que j'obéis à moi-même. Et quand je suis dans le Betrieb, dans l'usine, dans l'entreprise, j'obéis au Betriebsführer, c'est-à-dire que j'obéis là aussi à moi-même. Alors, revenons un tout petit peu, si vous le voulez bien, sur cette idée du Deutsche Freude, du travail par la joie, Johann Chapoutot, parce que ça fait quand même considérablement penser à une invention récente, ou en tout cas à quelque chose dont on entend de plus en plus parler, à savoir le Happiness Manager. S'éclater au bureau, faire de ses collègues des amis. Dans cette start-up où la moyenne d'âge est de 31 ans, le bonheur au travail fait partie des valeurs défendues par l'entreprise. Depuis 2 ans, Brunehilde Taco y occupe le poste de happiness manager, responsable du bonheur. Ce matin-là, elle fait le tour des salariés pour lancer un jeu concours. Tout est sur la base du volontariat et sur l'implication. Si on n'a pas envie, on ne le fait pas. Voilà, après, le salarié ne sera pas sanctionné. Non, pas du tout. Pas du tout, non. Favoriser les échanges entre collègues, veiller à leur bien-être, ce sont les missions premières d'un happiness manager. Séances de sophrologie, petit déjeuner d'accueil pour les nouveaux venus ou encore tournoi de baby-foot à l'heure de la pause. Autant d'actions qui visent à rendre les collaborateurs plus performants. L'idée maîtresse, c'est avoir en fait des salariés qui sont bien dans leur basket pour pouvoir être performants et aux petits soins de nos clients. Il y a quand même, et tous les collaborateurs le savent, un enjeu business derrière ce poste. Voilà, un petit reportage sur le Happiness Manager, c'était sur France 3 Bretagne en 2018. Johann Chapoutot, encore une fois, hein, il ne s'agit pas de dire qu'on est là dans une approche nazie de l'entreprise, mais malgré tout, cette idée de performance, cette idée de liberté aussi, ils sont libres de venir ou pas, le sont-ils vraiment? C'est une question qui peut se poser. Qu'est-ce qu'il advient d'un employé qui n'irait jamais à ses séances de sophrologie ou de management du bonheur? Et tout ça, c'est aussi quelque chose qui est pensé par ces intellectuels du management à l'époque nazie. Mais vous savez, sous le Troisième Reich, beaucoup de choses sont sur la base du volontariat aussi. Hein. Lorsque les organisations caritatives du parti nazi, la NSV par exemple, vient faire la quête pour Noël, vous pouvez ne pas donner, il n'y a pas de problème. Par contre, c'est noté quelque part et on ne l'oublie pas. Donc si à un moment, il y a quelque chose qui dérape dans votre vie, on s'en souvient. Vous voyez, ce genre de choses. Alors ensuite, pour l'idée de rendre les gens heureux au travail, comme le dit notre aimable happiness manager, c'est pas du tout à visée philanthropique. comme elle le dit dans sa langue à elle, cette langue atroce, il y a un projet business derrière, je cite. Eh bien, pour les nazis également, le but est de reconstituer la force de travail de telle sorte que l'individu soit plus productif. Alors, dans le reportage, cette dame parlait de performance, et ça, j'y insiste beaucoup dans le livre, le terme de performance est un terme absolument cardinal, fondamental dans la pensée nazie. Leistungsfähigkeit. Alors c'est un terme polysémique qui veut dire productivité, performance, rentabilité, et qui vient du terme leisten, qui veut dire faire, effectuer. Et pour les nazis, c'est très clair, l'individu en soi n'a pas de sens, n'a pas d'existence et n'a pas de droit en dehors de sa productivité. Autrement dit, si vous n'êtes pas capable de produire pour le Reich, de produire pour la race, vous n'avez pas le droit à la vie. C'est très clair. Les vies, comment dire, les êtres non productifs, je reprends la terminologie nazie, sont considérés comme des vies indignes d'être vécues. Et d'ailleurs, ce n'est pas qu'un mot, puisque à partir de 1933, vous avez une loi de stérilisation obligatoire pour ces individus-là, 200 000 stérilisations de 33 à 1945, et à partir de, 400 000 stérilisations de 33 à 45, et à partir de 1939, vous avez carrément la mort, l'assassinat, avec 200 000 morts de l'automne 1939 jusqu'au printemps 1945. Alors, loin d'être une simple alliance du microphone, c'est-à-dire de la propagande et de la matraque, et de la répression, on voit bien que l'Allemagne nazie aussi est en négociation permanente avec son peuple. C'est ce que vous avez montré dans ce livre, Johann Chapoutot. C'est-à-dire que cette volonté de diriger par la liberté, de rendre libre à l'intérieur, évidemment, de l'obligation d'obéir au Führer, qu'il soit Adolf Hitler ou les différents types de Führer qu'on trouve dans l'armée, dans la politique et évidemment dans l'entreprise, il y a cette négociation permanente avec le peuple. Oui, alors je suis loin d'être le seul, et encore moins le premier à le montrer. Je pense notamment à d'excellents historiens, des collègues allemands comme Frank Bayer, par exemple, qui ont très bien montré que le régime nazi est un régime participatif. C'est un régime participatif qui, effectivement, ne repose pas que sur la contrainte et la coercition, mais au contraire, sur une forme de consentement, voire d'adhésion. Et ça passe par des canaux tout à fait divers et très efficaces, par des canaux matériels, parce que le nazisme donne du confort matériel et une jouissance matérielle aux Allemands considérés de bonne race. Un exemple tout simple, lorsque une famille juive disparaît de votre immeuble, c'est dommage, ça peut être triste, mais il se trouve que le lendemain matin, eh bien, il y a un vide-grenier au pied de l'immeuble et qu'on peut récupérer un buffet, un piano, un vase, un coupe-légumes. C'est évidemment le mobilier de la famille qui est liquidé. Donc ça passe par ça et ça passe aussi par une politique fiscale et sociale très avantageuse qui est financée non seulement sur les spoliations des ennemis du régime et des juifs, mais ensuite également sur les prédations gigantesques qui sont opérées à l'échelle de toute l'Europe. De telle sorte que en 1945, contrairement à 1918, la population allemande ne meurt pas de faim. Elle est plutôt bien nourrie, tout simplement, parce qu'on a affamé la quasi-totalité de l'Europe pour ça. Donc, le régime nazi achète les Allemands. Il les achète très matériellement, mais aussi par des carrières fantastiques, et également par une auto-représentation de soi qui est méliorative, qui est très positive. Vous êtes la race élue, vous êtes les meilleurs biologiquement, vous êtes le sel de la terre, et par ailleurs, vous êtes libre. Vous êtes libre et vous participez à une épopée historique absolument unique dans l'histoire de l'humanité. Johann Chapoutot, historien, professeur d'histoire contemporaine à l'université Paris-Sorbonne, est l'invité de la Grande Table. Il publie « Libre d'obéir, le management du nazisme à nos jours », c'est chez Gallimard. France Culture, la Grande Table, Raphaël Bourgois. Alors un autre point, Johann Chapoutot, qu'on a évoqué rapidement, mais sur lequel il faut s'arrêter, je pense, maintenant un petit peu, c'est cette question du rapport à l'État et à l'administration. Parce qu'il y a évidemment une idée reçue, c'est l'importance de l'administration à l'allemande et de l'administration dans ce qu'on a appelé, Hannah Arendt a appelé la banalité du mal, c'est-à-dire l'efficacité bureaucratique au service de la solution finale, et qui a permis d'organiser aussi bien la mort de 6 millions de juifs dans les camps de concentration, ou à quelqu'un comme Herbert Bach, que vous citez, de prévoir un plan famine pour alimenter l'Allemagne au détriment de l'URSS, qui prévoyait quand même, qui estimait ce plan famine à 30 millions de morts, je crois, si je vous ai bien lu. Et donc, c'est le rôle de l'efficacité, de l'efficacité administrative, managériale. Or, il y a quand même une façon chez vous, dans ce livre, de revenir un petit peu sur cette idée reçue du rapport à l'État et notamment à l'administration, Yann Chapoutot. Alors déjà, sur l'efficacité allemande et l'efficacité nazie, nous sommes tributaires, quand nous disons cela, du discours que les nazis ont tenu sur eux-mêmes, l'organisation impeccable, les trains qui arrivent à l'heure, etc. Or, dans la pratique, ce que l'on observe à partir de 1933, c'est que le fonctionnement nazi est un gigantesque maelstrom, une cacophonie permanente, très désorganisée, parfaitement anthropique d'ailleurs, et totalement consommatrice de temps, d'énergie, d'argent. Ils sont pas efficaces du tout. Vous parlez de polycratie, c'est-à-dire de multiplication des petits pouvoirs. Je reprends effectivement le terme qui a été forgé dès les années 50 par les premiers historiens du nazisme. Cette idée d'une polycratie, c'est-à-dire d'une multitude de centres de pouvoir qui étaient autant de petites féodalités autour de petits chefs, autour de services et d'agences multiples, et que l'on a longtemps considéré comme étant une forme de pratique non théorisée, de pratique spontanée. Après tout, des petits chefs surgissent partout, des initiatives surgissent à tous les endroits et à tous les niveaux, et donc ça entraîne une concurrence et une lutte acharnée entre les services, c'est vrai. Mais par ailleurs, il se trouve que c'est une pratique qui est théorisée par des juristes et des spécialistes des organisations et des spécialistes de l'État, comme Reinhard Höhn, qui est un juriste très porté sur le droit public. Et pour ces gens-là, très clairement, la polycratie n'est pas qu'une pratique spontanée, c'est également une théorie très pensée qui est en fait une forme de darwinisme administratif qui consiste à placer sur le même champ de compétences une multiplicité d'instances et d'institutions. Alors la police, l'armée, le ministère, le parti et plus les agences ad hoc qui sont créées, qui se multiplient sous le Troisième Reich. Ce qui engendre une concurrence absolument démentielle, une lutte quasiment à mort, hein, puisque il y a des carrières qui sont en jeu, il y a des intérêts qui sont en jeu, et puis il y a des luttes de chefs également. Et tout cela aboutit généralement à la solution la plus radicale. Et au fond, au sommet de la hiérarchie, on a une chancellerie assez indolente, au fond, hein, autour d'Hitler, qui arbitre, en dernier recours, en faveur de la solution la plus radicale, c'est-à-dire la plus violente et la plus rapide. Et donc, il y a une course à la radicalisation qui vient de cette émulation sociale darwinienne très, très, très pensée. Et ce qui est très intéressant, c'est que Reinhard Höhn fait partie de ces gens qui, au fond, pensent avec 40 ans en avance ce que dans les années 70, on va appeler le New Public Management, c'est-à-dire le remplacement de l'État par des agences ad hoc. Des agences qui ont un projet, un budget, une mission, et qui ne sont là que pour cette mission. Alors que l'État, ça pose problème. C'est un peu comme le service public Radio France. Vous voyez, c'est une structure qui est pérenne, qui demeure et qui coûte de l'argent. Voilà. Eh bien, les agences, c'est parfait. C'est une institution qui n'a de durée d'existence que pour autant que sa mission doit être accomplie. Une fois que c'est terminé, c'est terminé. Alors de fait, ça ne se passe pas comme ça, parce que les agences sont une forme de pérennité et de persistance dans l'être qui fait qu'elles se subsistent à elles-mêmes. L'exemple archétypal, c'est le plan de 4 ans de Göring qui devait s'arrêter en 1940 et qui continue parce que ça a créé une féodalité, ça a créé des prébendes, des salaires et des carrières, et donc ça continue après 1940. C'est plus un plan de 4 ans, c'est un plan de 9 ans finalement. Voilà. Mais en tout cas, l'idée est là que l'État doit être pulvérisé. Et c'est d'ailleurs ce que font les nazis dès 1933, ils détruisent l'État. Ils le font et ils le disent en plus, jusqu'à Hitler. Hitler, dans ses discours, dit que l'État doit disparaître. Alors cette tactique par la mission ou l'objectif, elle est aussi présente dans la réflexion, la conception militaire du management. Reinhard Höhn va d'ailleurs participer à la refondation de la Bundeswehr, donc l'armée allemande de la République fédérale après la Seconde Guerre mondiale. Luftwaffentaktik, je crois que c'est comme ça qu'il faut dire en allemand, qui est une conception militaire du management. Ça vient aussi de là, et donc. Qui gouverne par l'objectif, par la mission, gouverne aussi un petit peu par la terreur. Alors, c'est intéressant parce que Reinhard Höhn, c'est quelqu'un qui, c'est quelqu'un qui travaille tout le temps, en fait. Hein. C'est un obsédé de travail, et pour se détendre, il fait l'histoire militaire. Bon, C'est un hobby comme un autre. Il fait l'histoire militaire et ce qui l'intéresse particulièrement, c'est la transformation de l'armée prussienne après la défaite catastrophique, hein, cataclysmique, de 1806 contre Napoléon. L'armée de Frédéric II a été détruite, de feu Frédéric II, a été détruite à Iéna et à Auerstedt. Et donc, les réformateurs prussiens se sont dit qu'il fallait imiter les Français, c'est-à-dire passer d'une organisation parfaitement mathématique, mécanique et aveugle, qui était la mécanique de guerre, hein, de la ligne frédéricienne, cette ligne parfaitement ordonnée qui évolue comme un automate. Il fallait passer de ça aux voltigeurs et aux tirailleurs napoléoniens. Et les Prussiens ont fait une espèce de synthèse en disant voilà, il va y avoir une forte centralisation au niveau du commandement. Le commandement va fixer des objectifs et c'est ensuite les échelons inférieurs qui vont recevoir cette mission. Par exemple, va me prendre telle maison ou telle colline et qui sont libres de choisir les moyens, les méthodes pour remplir cet objectif. Ce qui motive les subordonnés puisqu'ils ont une marge de liberté. Mais c'est une organisation perverse, parce que si vous êtes libre de choisir les méthodes et les moyens, vous n'êtes certainement pas libre de définir les objectifs et de choisir les fins, puisqu'elles sont fixées par le commandement. Et ça suscite une souffrance dont, et j'en parle dans le livre, au fond, la figure de l'officier ou du sous-officier prussien est l'illustration et l'incarnation vivante. Cet homme qui est toujours décrit comme étant mal à l'aise, hurlant, rageur et glapissant, tout simplement parce que c'est sur lui que repose, en dernier recours, la responsabilité et donc la culpabilité en cas d'échec. Eh bien, c'est ce modèle-là, d'apparence libérale mais très pervers, de management par objectif, si vous voulez, que Reinhard Heun décide d'introduire à l'échelle massive, hein, puisque son école a formé 600 000 cadres, dans l'économie et l'organisation productive. Et une méthode de management de Bad Arsburg qui prendra ce nom, Johann Chapoutot. On recevait récemment à ce micro Frédéric Joly, qui a publié un très bon livre sur Victor Klemperer, qui a analysé la langue nazie. Et en le recevant, je lui ai posé une question sur la décision du tribunal dans l'affaire de France Télécom, puisque Victor Klemperer a été cité dans cette décision du tribunal sur la question du management et du management par la terreur. La direction de France Télécom doit-elle revoir ses méthodes de management ? Depuis 18 mois, 22 personnes se sont donné la mort dans l'entreprise. Les syndicats dénoncent les méthodes de management qui sont trop musclées. Les cadres de France Télécom ont l'obligation de supprimer des emplois et pour ça, tous les moyens sont bons. Dernier décès en date, fin août, toujours à Lannion ou encore mi-juillet à Marseille. Un salarié de 51 ans avait laissé une lettre dans laquelle il évoquait un management de la terreur. Ils m'ont remis à la poubelle. Ils m'ont jeté comme un vieux déchet qui ne sert plus. Je suis un déchet. Voilà, le management par la terreur de France Télécom, c'est un extrait d'un zapping du Monde en 2009. On voit bien Johann Chapoutot, comme je le disais, Klemperer, vous sur le management, il y a cette permanence finalement de cette idée de la terreur et de cette approche qui est héritée, on ne peut pas le dire autrement, de la période nazie. Pas forcément, parce que au fond, les nazis sont eux-mêmes des héritiers. Hein. C'est ça qui est intéressant, c'est que il ne s'agit pas de faire un réductionnisme nazi. Hein, voilà, il s'agit de montrer que les nazis sont bel et bien de notre temps et de notre lieu, c'est-à-dire de l'Occident des 19e et 20e siècles, qu'ils évoluent dans le même monde que nous et qu'ils en sont les acteurs participants. Ils ne sont ni possédés par le démon, ni fous, ni je ne sais quoi, comme on le dit quand on veut s'en protéger, parce que considérer qu'ils font partie de notre monde nous atteint également. Eh bien, je trouve que dans le procès France Télécom, qui a été remarquablement mené par les procureurs et par une présidence absolument remarquable, hein, dans ses propos et dans sa hauteur de vue, eh bien, on a vu à l'occasion de ce procès que nous partagions, de fait, nous, notre monde, partager des choses avec les nazis. Et ce que l'on partage là, en l'occurrence, c'est de considérer le matériau humain, hein, la ressource humaine, matériaux et ressources, pour moi, c'est aussi atroce, hein, un mot comme l'autre. Parce que une ressource, normalement, c'est du charbon, c'est de l'objet, si vous voulez. Et considérer que les gens sont des ressources humaines, je trouve ça odieux. Mais bon, on s'y est habitué. Alors, ressources humaines, matériaux humains, eh bien, les patrons de France Télécom, le top management, comme on dit, avaient considéré ce matériau humain comme étant un poids mort. Les nazis en parlaient également, ils parlaient de ballast, hein. Un poids mort, non performant, puisqu'il s'agissait de transformer, au fond, via France Télécom, les PTT, c'est-à-dire une organisation publique, un service public, en orange, c'est-à-dire une organisation dynamique, agile, flexible, agressive, rentable, etc. Et pour cela, eh bien, il fallait supprimer des dizaines de milliers d'emplois, c'est-à-dire les êtres non rentables, non adaptables, que dans un imaginaire social darwinien totalement assumé, il fallait virer d'une manière ou d'une autre. Hein. Le président Lombard avait même dit que ces gens-là pouvaient bien sauter par la fenêtre, peu importe. De fait, il y en a qui ont sauté par la fenêtre. Un imaginaire social darwinien qui touche jusqu'à l'université et le CNRS aujourd'hui. On a eu récemment une polémique à ce sujet, Johan Chapoutot. Mais un mot quand même sur ce paradoxe pour terminer d'une société libérale, la nôtre, qui tolère un management comme celui-ci, quand une société tout à fait illibérale, en tout cas dans la façon de la concevoir, semblait valoriser aussi un peu plus de liberté qu'on ne le pensait. Bref, il y a une forme, c'est difficile de s'y retrouver après la lecture de votre livre sur où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Bon, c'est pas si difficile que ça. Au fond, c'est assez simple. L'après-guerre avait tiré des leçons de la grande crise du libéralisme classique de 1929 et de ses suites, avec cette séquence crise financière, crise économique, crise sociale, crise politique qui amène le nazisme au pouvoir et qui amène la guerre. Et pour conjurer cela, on avait décidé de créer une société solidaire fondée sur la sécurité sociale et un état social. Eh bien, depuis les années 70, c'est un autre discours d'abord, et puis d'autres pratiques qui se sont installées. On a eu en 2007 un des gourous du patronat qui a même dit qu'il fallait déconstruire méthodiquement tout ce que le Conseil National de la Résistance avait imaginé, donc plus de solidarité, etc. Il n'y a pas de société, comme le disait Margaret Thatcher, juste des individus en concurrence les uns contre les autres, et ces individus-là ne sont pas des êtres humains, ce sont des chiffres. Et donc, ce que faisaient les nazis en mettant à distance les choses par un langage particulier, nous le faisons avec les chiffres. Lorsque vous avez des tableaux Excel en face de vous et non pas des êtres humains, eh bien vous pouvez dégraisser, oui. Libre d'obéir, c'est votre livre, Johan Chapoutot, à lire donc chez Gallimard. Merci d'être... Parlent aux Français. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Les sanglots longs des violons de l'automne. Je répète, les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Je répète, blessent mon cœur d'une langueur monotone. Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'interdire. Pour la première fois dans cette émission, je reçois en tête à tête un politique. Le premier, j'espère, d'une longue série où on laissera s'exprimer au calme leur vision du monde, leur intelligence et même, pourquoi pas, leur complexité. Jean-Luc Mélenchon, bonsoir. Vous êtes le député des Bouches-du-Rhône, président du groupe La France Insoumise à l'Assemblée nationale et l'auteur de L'ère du peuple qui est désormais en poche chez Pluriel. Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous essuyez les plâtres, pour ainsi dire. Oui, j'ai été séduit et je vous remercie de m'avoir invité parce que vous m'avez proposé de débattre de sujets qu'il m'a été impossible jusque-là de mettre sur la scène publique. La mer, l'espace... et l'espace numérique en tant que nouveau territoire et nouvelle frontière. J'en suis désolé, mais je n'y suis pas arrivé. Et là, pour la première fois, l'occasion m'est donnée d'en parler et de montrer quelle importance ces questions ont pour notre quotidien, sans qu'on le sache toujours. Mais je tiens bien à préciser, nous parlons d'espace, de territoire, de nouvelles frontières au sens de territoire. C'est pas les nouvelles frontières du savoir, non. Il s'agit du territoire des mers, du territoire, si j'ose dire avec des grosses guillemets, de l'espace infini, et du territoire de la toile numérique qui couvre le monde avec ses portes d'entrée, ses portes de sortie, ses pentes, ses côtes, ses sommets, et sa guerre, ses lois, et tout ce qui s'y déroule, comme si c'était un de ces territoires qu'on a connus jusqu'à présent, qui sont notre plancher des vaches. Il y a d'autres territoires qu'au préalable, j'aimerais aborder avec vous, peut-être plus politiques, Jean-Luc Mélenchon. À la dernière présidentielle, vous avez été quatrième, mais ça s'est joué dans un mouchoir de poche. Vous étiez à moins de 2 points de Marine Le Pen, 600 000 voix, c'est très très peu 600 000 voix. Vous étiez même le premier chez les jeunes de moins de 35 ans. Premier, devant Emmanuel Macron, devant Marine Le Pen, devant François Fillon. Est-ce que, à un moment, vous vous êtes dit que vous avez failli gagner? C'était vraiment un cheveu. Et est-ce que vous vous dites encore aujourd'hui, je peux gagner? Alors, à l'époque, oui, je me suis dit que je pouvais gagner. Quoique j'avais tellement le nez dans le guidon que, d'une campagne électorale, voyez-vous, on n'a pas trop le temps de faire de l'introspection dans ces circonstances. Je me suis dit que j'avais une chance raisonnable de gagner. À la fois du fait de la violence, de la charge médiatique qui se faisait contre moi, qui était tellement caricaturale que je comprenais bien qu'il y avait le feu à la maison. Hein. Quand on est interviewé sur le plateau de TF1 la dernière semaine et qu'on vous demande comme première question « Est-il vrai que vous vouliez quitter l'Union européenne pour adhérer à l'Alliance bolivarienne ?» vous vous demandez où vous êtes et vous vous dites « Il se passe quelque chose. Hein. » On m'avait aussi mis à la une du journal Les Échos comme étant un facteur de renchérissement des assurances et des emprunts. Alors je me suis dit, voilà, il y a ça. Et puis, les instituts de sondage aussi m'avaient dit, Monsieur Mélenchon, attendez la dernière minute parce que vous êtes dans un mouchoir de poche, les quatre. Alors les raisons qui ont conduit à cette situation, je crois qu'elles sont toujours là, sinon qu'elles se sont aggravées depuis. Si bien que je ne saurais pas répondre à votre deuxième question. Je ne sais pas de quelle manière va se traduire l'état d'esprit public en France après une éradication des organisations politiques traditionnelles en 2017, puisque ça s'est terminé avec trois opposants absolus à tout, qui est Monsieur Macron, Madame Le Pen et moi, chacun dans notre genre, et parce qu'ensuite il y a eu le mouvement des Gilets jaunes qui a disloqué ce qui restait de champ politique et social, et puis surtout actuellement l'éruption du salariat organisé de notre pays dans la lutte pour le maintien du système de retraite hérité de la libération. Donc comment va être la France à la sortie de tout ça? Là, je cite des événements en général, mais il faudrait être capable de se rendre compte que dans le détail, la France n'est plus la même après une présidence qui a manifesté autant de mépris pour le peuple. Je crois qu'il n'en est même pas conscient. Il fait partie de le président Macron, de ces catégories sociales qui ont fait sécession avec la masse du peuple français. Ces gens qui vivent entre eux, qui ne se rendent pas compte de ce qu'il peut y avoir de blessant à dire dans les gares, il y a ceux qui ont réussi leur vie et ceux qui ne sont rien. Jamais, même la droite ne nous a parlé comme ça. Quand il dit « j'en ai marre qu'on dise la pénibilité du travail comme si le travail était pénible », bon, bien sûr, le mien de travail est moins pénible que celui d'un égoutier, mais en attendant, l'égoutier, il fait son travail, heureusement qu'il le fait, parce que sinon, ni vous ni moi, on serait ici en train de parler tranquillement. Donc, ça a été ressenti comme autant de gifles. Si bien que la France est labourée par les conséquences de ce mépris social, et nous ne savons pas comment les gens vont réagir à ça. Vous ne le savez pas, je ne le sais pas. Ce que l'on observe depuis les élections de 2017, c'est que les partisans du président de la République ont tout fait pour assimiler la France insoumise avec le Rassemblement national. Comme si, en fait, il y avait une grande bataille, une unique bataille entre progressistes d'un côté et populistes de l'autre, et que la variable de gauche avait été réduite à néant. Est-ce que, vous avez l'impression, je suis sûr que oui, mais vous allez me dire en quoi, la gauche est encore capable de se distinguer aujourd'hui dans ses propositions, dans sa vision du monde? Bien sûr, mais commençons par le début. C'est une ruse politique qui a permis l'élection du président Macron. Les gens n'ont pas voté pour lui, ils ont voté contre Mme Le Pen. En tout cas, un nombre considérable a été convaincu que c'était ça qu'il fallait faire. Bon, comme c'est une martingale électorale, ça marche, quoi. C'est un miracle, il n'y a rien besoin de faire, ça marche tout seul. C'est pourquoi j'avais été conduit à dire que Mme Le Pen est en quelque sorte l'assurance-vie du système, parce que une table, une chaise, Macron contre elle, c'est l'autre qui gagne. Bon. Mais après, ils essayent de reproduire ça dans des conditions qui sont désastreuses, parce qu'ils ne se rendent pas compte que, d'abord, les gens ne le croient pas, l'ont cru un temps. Mais dire que les insoumis et le Rassemblement national, c'est la même chose. Tout le monde sait que c'est pas vrai. D'ailleurs, les Insoumis le savent, évidemment, mais aussi les membres du Rassemblement National, parce que nous nous affrontons à peu près partout et sur à peu près tout. Et puis les gens qui sont des... Faut pas prendre les gens pour des imbéciles. C'est toujours l'erreur de la Macronie. Ils prennent les gens pour des crétins, des demeurés qui sont incapables d'analyser. Alors après, votre question sur la gauche, elle est un peu plus compliquée. Parce que il y a le mot et puis la réalité. Le mot a été dégradé d'une manière incroyable par des gens comme M. Hollande et la loi El Khomri et toute cette époque, si vous voulez, de mensonges, de mystifications, qui fait que les gens qui appartenaient à cette école, à cette tradition, s'en sont écartés, les uns pour s'abstenir, les autres rageurs pour faire autre chose, notamment pour voter avec moi, et puis d'autres enfin, totalement perdus, ont fini par s'éparpiller sur la scène politique. Alors, il faut bien distinguer, il faut comprendre qu'est-ce qui est le cœur du mot « gauche » et de sa réalité politique. Moi, j'ai passé toute ma vie à gauche, d'ailleurs, compte tenu de mon âge. J'ai traversé un monde dans lequel la gauche était non pas résiduelle, mais centrale. Hein. Après la libération, les générations qui ont suivi, nous avons vécu dans l'onde de choc de cet événement considérable de la défaite du nazisme. Mais le mot « gauche », il est né en France, à un moment bien précis de l'histoire. Il s'agit de savoir si le roi a un droit de veto ou pas. Comprenez bien l'idée. Si le roi a un droit de veto, ça veut dire qu'il y a une limite. Le droit de veto, ça veut dire qu'il peut s'opposer. Hein. À tout. Voilà, on peut lui proposer une loi, il dit ben, « veto, je suis pas d'accord ». Bon, ça veut dire qu'il y a une personne à le même pouvoir que le peuple tout entier représenté par ses députés. Donc la question du droit de veto a mis en œuvre un ressort politique qui ne s'est jamais détendu depuis. Il y avait ceux qui disaient « Ah bah oui, le roi quand même, c'est le roi, c'est Dieu qui l'a mis là, donc on peut admettre l'idée. » Alors aujourd'hui, c'est « Ah bah c'est le marché, bah qu'est-ce que vous voulez, monsieur Mélenchon, on peut pas faire autrement, vous devez bien vous rendre compte. » Et puis de l'autre côté, ceux qui disent « Il n'y a rien au-dessus de la souveraineté populaire, le peuple peut commettre des erreurs, mais on ne connaît rien de mieux que de lui donner le pouvoir et d'admettre que rien ne s'impose à lui. » Le pari des Républicains, et des vainqueurs de la Grande Révolution de 89, c'était que plus le niveau d'éducation montrait, s'élèverait, plus l'éducation se répandrait, et plus la cause républicaine l'emporterait. Pas tout à fait tort, c'est quand même ce qui s'est passé en général. Mais nous avons quand même eu des répétitions d'épisodes autoritaires, soit que des gens aient voulu dominer la société par l'autorité, et puis de temps à autre en invoquant le pouvoir divin, soit que c'était des gens comme le général Boulanger à une époque, ou d'autres personnes, ou en ce moment Monsieur Macron qui pense qu'il est la quintessence de l'intelligence et que tous les autres sont des personnalités dérisoires qui n'ont pas de bon sens. Quand vous allez à l'Assemblée nationale, autrefois on protestait parce qu'il y avait que des professeurs, disait-on à gauche. Hein. Et maintenant, nous voyons que des DRH. Et ce sont des gens qui ont une vision complètement technocratique. DRH, directeur des ressources humaines. Oui, pardon. Les directeurs de ressources humaines et des gens de cette nature qui constituent le gros de la troupe de La République En Marche. Alors, ils ont aussi leur réflexe qui est essentiellement technocratique. Ils pensent qu'il y a une raison supérieure qui permet de dégager une solution et une seule. Le concept même de démocratie, c'est-à-dire du fait qu'on se dispute et que même quand on tranche, c'est pas vraiment sûr que quelqu'un ait raison. Ça leur échappe complètement. Complètement. Combien de fois ils disent, bah quoi, vous parlez encore? Bah oui, ça s'appelle Parlement, on parle. On essaye de se convaincre et d'incarner des points de vue. Ils sont culturellement éloignés de l'idée de démocratie parce qu'ils n'en comprennent pas la substance. Ils s'étonnent. Pardon, vous interrompre Jean-Luc Mélenchon, mais il y a aussi la variable de gauche de cette intolérance-là, qui est la dictature du prolétariat. On a pensé à la mettre à la place du roi, on met le prolétariat, et il a toujours raison aussi. Vous avez raison. Tout ce qui, dans l'histoire, prétend incarner une transcendance qui s'imposerait, hein, quelque chose qui serait supérieur et dont un clergé en particulier connaîtrait les mécanismes, finit toujours mal, parce que ça ne peut pas tenir, parce que l'élévation de l'éducation dans tous les pays, notamment en URSS, qui avait fait un bond absolument spectaculaire, en passant d'un sous-développement médiéval à la première puissance technique du monde. Je rappelle que le premier Spoutnik, le premier homme dans l'espace, c'est en russe. Et la Russie était une superpuissance technologique. Ce bond n'a été possible que par l'éducation. Alors il est évident qu'à partir de là, le parti unique et la police politique, ça pouvait pas suffire. et ça pouvait pas suffire à faire fonctionner la société. Les bases du consentement à l'autorité étaient sapées par l'inexistence de la possibilité de se contredire. Et je crois que c'est vrai comme ça tout le temps. Pour nous autres, les Français, c'est une vieille histoire. Elle commence en 1487 avec le livre de Pic de la Mirandole, c'est le début de l'humanisme, de la dignité de l'homme. Et il dit, ben voilà, l'être humain, Épiméthée avait donné les talents à tous les animaux, sauf à l'être humain, l'avait oublié. Alors au dernier moment, qu'est-ce qu'on fait de lui? Prométhée arrive et lui donne le feu. Et l'être humain est un être qui est entièrement responsable de sa construction. Si on avait le temps et si on faisait l'émission sur le thème, je vous démontrerais pourquoi, même biologiquement, nous sommes le résultat d'une auto-construction culturelle. Le 15 août 1893, jour anniversaire de la naissance de Napoléon, s'il vous plaît, naissait à Chalon-sur-Marne un certain Isaac André, fils de Salomon et de Berthe Carr. Pareil à la plupart de ses coreligionnaires, il était secrètement fier de sa race, mais gêné par son nom. Incapable, bien entendu, de travailler à la grandeur d'un pays qui n'était pour lui qu'un pays de séjour passager, une provisoire pierre promise à exploiter, il se consacra à l'œuvre à laquelle tant de ses pareils se sont employés et il entreprit de jouer son rôle dans la démoralisation de ces goïms pour lesquels les siens ont toujours eu tant de mépris. Une sorte d'esprit desséchant et ricaneur, une perpétuelle aspersion d'ironie sur tout ce qu'on avait l'habitude de respecter, une sottise corrosive à force d'être poussée à l'extrême lui firent une clientèle. Mais où nous atteignons les cimes du comique, c'est quand notre Dac prend la défense de la France. Le juif Dac s'attendrissant sur la France, c'est d'une si énorme cocasserie qu'on voit bien qu'il ne l'a pas fait exprès.

votre fils entre en fac, bien, j'en fais mon affaire, il aura une bourse. Merci, monsieur le maire, c'était automatique, votre fils y avait droit. Le maire le savait, vous ne le saviez pas. Il enterre, il marie, dispose des gendarmes. Il se sert de vos joies, il se sert de vos larmes. Le préfet le pouvoir le méprise et en joue. Il est l'élu du peuple et c'est tant pis pour vous. Novembre, il nous vante la guerre. Le 14 juillet, il ne peut pas se taire. Dur avec les petits, piteux devant les forts. Il n'est jamais si bien qu'au monument aux morts. Il cache ses pensées, sort son vocabulaire. Tartuffe et tartarin, il se veut populaire. Un pastis pour les hommes, aux dames un quinquennat. Il rêve de la chambre et même du Sénat. Chaque nuit en Navarre, il recompte les votes. Pour un tel le bâton, pour l'autre la carotte. Il grenouille à tout va, l'animal n'est pas neuf. La grenouille qui veut grossir comme le bœuf. Il n'est même pas sûr qu'il soit très malhonnête. Alors pourquoi toujours se monte-t-il la tête? Pour qu'on parle de lui, pour sortir du troupeau, pour être au premier rang, toujours sur la photo. J'ai connu un vieux fier de la race huguenote. Je l'ai vu hier marcher vers le bureau de vote, tout courbé, tout cassé, grondant les poings serrés. Je vais voter pour lui. Le pauvre vieux pleurait. Bon, très rapidement, j'étais en train de pester contre l'attitude de nos prétendus représentants. Je finirai le live avec des petits messages à Monsieur Macron suite à ce qu'on a pu voir hier. Sa petite photo, pour ceux qui ont pu le voir, avec le chat éborgné. Donc, il y a deux choses. Avec une colère saine, ce président qui est censé nous représenter, je dirais qu'il est complètement déconnecté. Mais que ce mec-là, il ne sait même pas ce qui se passe dans son pays. Pour se permettre de faire une photo avec un t-shirt où on voit LBD 2020 et un chat éborgné, et cette photo, du moins ce dessin, n'est que le détournement du logo officiel de du festival de la bande dessinée à Angoulême, et le mec se marre avec le t-shirt. Mais c'est dégueulasse au possible. C'est d'un cynisme aberrant. Si je rentrais dans une colère noire, je l'insulterais. Si je me mettais à son niveau de bêtise, de manque d'humanité, je me mettrais à son niveau, je me permettrais de l'insulter. Mais ma mère m'a toujours dit, se mettre au niveau des cons, c'est être con soi-même. Donc on va éviter de se mettre à son niveau. Mais c'est franchement dégueulasse, et en plus l'explication qu'il peut donner après, c'est encore pire. Le mec, il a des yeux comme ça, on se demande ce qu'il a pris auparavant. C'est quand même assez incroyable. Donc monsieur Macron, vous êtes quelqu'un de dégueulasse de pouvoir vous permettre de faire quelque chose comme ça. Je tiens à signaler qu'en termes de médias, pas de son, pas de bruit, à part des policiers qui se sont eux sentis offusqués par le dessin. Tout ce qui a été personne éborgnée, mutilée, et deux trois copains que j'ai pu avoir au téléphone, dont Jim au téléphone, rien à foutre. L'état psychologique, à part Sud Radio, qui m'ont contacté pour avoir un mot concernant cette photo, pas de son, pas de lumière, et pas une seule réaction de personnes qui ont été atteintes à la fois physiquement par les LBD et psychologiquement par ce genre de photo. C'est quand même assez dégueulasse. Et deuxième chose que j'ai pu qu'a pu dire Macron, qu'apparemment que les violences étaient aujourd'hui un phénomène de société. Alors petit rappel, monsieur Manu Macron, que cette société aujourd'hui, selon vous avez été élu légitimement pour en avoir la responsabilité de cette société. D'accord ? Vous êtes responsable de cette société aujourd'hui. Et moi, dans un métier passé, je gérais des équipes. Et on m'a toujours dit qu'une équipe est à l'image de son responsable. Alors vous, responsable de cette société, vous le violent, que voulez-vous ? Vous avez aujourd'hui une équipe à votre image. Et ça me fait mal de dire ça, parce que j'ai pas l'impression, moi, de faire partie de votre équipe. Au propos de votre préfet à Paris, qui crie haut et fort que nous faisons pas partie du même camp. Et je le rejoins parce que vous êtes pitoyable avec ces photos, vous êtes pitoyable avec vos remarques, aujourd'hui désagréables. Nous vous avons proposé des discussions, nous vous avons proposé de mettre sur la table des propositions, des revendications qui ont été mises en place avec le vrai débat et dont 1 million de personnes ont pu se prononcer, et vous n'avez daigné nous répondre que par des insultes et vous cacher dans des restaurants ou dans des théâtres et de vous faire accompagner par 300 policiers pour que vous puissiez dîner tranquillement. Ça m'a fait penser un petit peu à la scène des Visiteurs, vous savez, quand Jean Reno, il jette des patates et il dit tiens, voilà bonne pitance. Vous avez le grand président qui là mange au restaurant et qui va jeter aux policiers de la pitance. Tenez, brave petit gueux qui aujourd'hui prétendument défendre la République macronienne, je tiens à préciser. Donc voilà, pour rappel, hein, Monsieur Macron, même si on fait pas partie de votre équipe aujourd'hui, une équipe est à l'image de son responsable, et si violence aujourd'hui il y a en France, c'est simplement réponse à la violence que vous prônez, à la violence que vous donnez aujourd'hui aux Français. Et si aujourd'hui violence vous donnez aux Français, c'est simplement par un manque de compétence. Vous êtes un incompétent. Votre gouvernement sont des incompétents. Et depuis 40 ans, vous êtes tous des incompétents de base. Et l'incompétence vous amène à faire quoi ? À être violent. Parce que vous ne savez pas donner de réponse. Vous ne savez pas donner de réponse aux banlieues. Vous ne savez pas donner de réponse aux handicapés. Vous ne savez pas donner de réponse à nos retraités. Vous ne savez pas donner de réponse aux travailleurs. Et vous avez la force du faible. Et la force du faible, quand vous n'avez pas de réponse, c'est de taper, de mutiler, de matraquer, de grenader. Et ça, ça commence à bien faire. J'ai été gentil il y a 1 an, en me réveillant avec un œil en moins, de prôner le pacifisme, de faire un appel au calme, pour que tout le monde puisse manifester dans de bonnes conditions le samedi d'après, et ne pas vous donner l'occasion de tirer à bout portant sur l'ensemble des manifestants. J'ai eu un message de paix et de sérénité, et je vois que le juste retour des choses, c'est d'en avoir pris plein la gueule. Alors oui, je le réitère aujourd'hui, je comprends et j'entends la colère de ceux qui sont violents. Parce que pour violence reçue, violence rendue. Et je l'entends parce que quand on perd un œil, quand on prend une baffe dans la gueule, quand on se prend un coup de matraque, eh ben, il y a des gens qui sont humains et qui vont répondre de la même façon. Et ça, faut savoir l'entendre. Donc, à vous de montrer l'exemple, gouvernement, si légitimement vous avez été élu pour ça. À vous de montrer l'exemple. À vous de donner au peuple français son dû, ce qu'il réclame, à vous de redonner des valeurs aux travailleurs, de redonner des valeurs au travail, d'arrêter de considérer les travailleurs comme un coût, de les considérer comme des producteurs, de reconsidérer les handicapés qui manifestaient aujourd'hui à Paris, de reconsidérer les retraités qui ont donné leur sang à la France, de reconsidérer l'ensemble de la population française pour espérer avoir un avenir. Ça fait 1 mois et demi, voire 2 mois que nous sommes dans la rue pour des retraites, ce qui me fait doucement rigoler, vous connaissez mon avis. Les retraites, on parle de fin de vie. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, les gilets jaunes sont descendus dans la rue, non pas par la peur de la fin du monde, mais par la peur de la fin du mois. Alors, je vais vous dire, la fin de vie, aujourd'hui, on en a un peu rien à foutre. Parce que, je sais pas pour vous, mais le futur dépend du passé. Et le passé, aujourd'hui, c'est le présent. Et le présent, on a du mal à finir les fins de mois. Et vous allez nous faire croire qu'avec votre système de retraite, on va bien vivre dans 20 ans. Mais vous foutez de la gueule de qui ? Ça y est les gars, on s'est réveillés, on est là, on est des agitateurs de neurones, tout simplement. Donc arrêtez de nous faire croire vos tralala, mais de tous les côtés, des élites syndicales comme du gouvernement, arrêtez de nous faire croire que vous allez nous promettre mondes et merveilles et un monde meilleur pour nos retraites quand on a déjà du mal à finir le mois. Et réalisez une chose, messieurs du gouvernement, et je finirai là-dessus, sur cette tirade, sur cette pensée que j'ai, parce que je suis un tant soit peu en colère avec les dernières 48 heures que je viens de passer, mais... Putain, je sais même plus ce que je veux dire. Enfin bref, faut qu'à un moment donné, vous réalisiez... Ah oui, très très important. Tous les Français qui seront amenés à regarder ce live, Je dis bien tous les Français. Et je parle pas qu'aux gilets jaunes, parce que les gilets jaunes sont des convaincus et que j'ai pas besoin de leur parler pour les convaincre, mais d'essayer de convaincre l'ensemble des Français. Qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, vous restez qu'une chose dans la vie. De pouvoir travailler 40 ans et espérer avoir un minimum de bonheur après 40 ans de dur labeur, à donner son sang, à donner sa sueur à un gouvernement, à un patron, espérer à 60 ans de pouvoir se reposer, profiter de sa famille, de ses petits enfants. Et ben là, vous avez juste fait un truc, vous avez fait réaliser aux Français qu'aujourd'hui, ils vont encore travailler 40 ans, 45 ans, 50 ans, et qu'ils n'auront pas cette retraite. Et ça, ça leur fait mal. Et ça devrait faire mal à tous les Français. Sachez qu'aujourd'hui, vous allez travailler pour ne rien n'avoir, qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec les grévistes, avec ceux qui bloquent, avec les gilets jaunes, avec les contents, les pas cons, je peux l'entendre. Réalisez ça, Français de France et d'ailleurs, réfléchissez à ça. Vous allez aujourd'hui travailler toute votre vie pour ne rien n'avoir. Et tous ceux qui ont espéré aujourd'hui avoir une retraite, eh ben vous vous cassez les dents. Et regardez ce qu'ils sont en train de faire. Je vais pas les pleurer. Les cadres supérieurs qui gagnent plus de 10 000 euros, je sais plus ce qu'ils veulent faire comme loi. Vous avez le patronat qui rentre dans la danse en disant « Non, non, on va garder le même système de retraite. » Donc on en est toujours au même point, chacun pour sa gueule. Eh ben c'est terminé. Aujourd'hui, l'ensemble des Français sont concernés par ce système de retraite, d'accord ? Et on va crever au travail. On va crever au travail. On va revenir comme nos arrière-grands-parents en 1900. On va crever à la mine. Regardez Germinal avec Renaud et Depardieu. Regardez ce film. J'avais 15 ans, je crois, quand je l'ai regardé. Regardez ce film. On va crever à la mine. Tout simplement. Fini les retraites. Arrêtez de me parler de retraite quand la majeure partie des Français ont du mal à bouffer à la fin du mois. C'est maintenant qu'on a besoin de bouffer. Et quand les Français boufferont bien et seront rémunérés de par leur travail et considérés et personnalisés dans leur travail et en tant qu'être humain et en tant que Français citoyen, on pourra parler des retraites. Tout simplement. Voilà la famille. Je vais pas vous embêter plus. Faites attention à vous demain. Il y a eu un premier live où j'ai parlé des manifestations, il y a eu un deuxième live où j'ai poussé un petit peu ma gueulante, quoi qu'il m'en coûte, je suis plus à ça près, ils peuvent venir m'emmerder l'État, dans l'État où ils ont mis ma vie aujourd'hui, venez m'emmerder les gars, monsieur l'Allemand, monsieur Beuleu, monsieur Macron, monsieur Castaner, et tant bien d'autres, venez m'emmerder, c'est plus un problème, j'ai le record aujourd'hui, en 2 heures, de nombre de contrôles, je suis obligé d'appeler la préfecture quand je vais à Paris pour pas me faire emmerder, je suis plus à ça près. D'accord ? Donc, j'assume mes propos. Aujourd'hui, la France est détruite de la main d'un seul homme qui écrit aujourd'hui l'histoire de France en lettres de sang et qui applique une terreur politique par les armes. Français, réveillez-vous. Gilets jaunes, je sais que vous l'êtes. Continuez à parler à tout le monde et de convaincre tout le monde. Je vous fais un bisou. Ils étaient usés à 15 ans. Finissait en débutant, les 12 mois s'appelaient décembre. Quelle vie ont eu nos grands-parents entre l'absinthe et les grands-messes? Ils étaient vieux avant que d'être. 15 heures par jour, le corps en laisse au visage un teint de cendre. Oui, notre monsieur, oui, notre bon maître, pourquoi ont-ils tué Jaurès? Pourquoi ont-ils tué Jaurès? On ne peut pas dire qu'ils furent esclaves, de là dire qu'ils ont vécu. Lorsque l'on part aussi vaincu, c'est dur de sortir de l'enclave. Et pourtant, l'espoir fleurissait dans les rêves qui montaient aux yeux. Quelques ceux qui refusaient de ramper jusqu'à la vieillesse. Oui, notre bon maître, oui, notre monsieur, pourquoi ont-ils tué Jaurès? Pourquoi ont-ils tué Jaurès? Si par malheur il survivait, c'était pour partir à la guerre, c'était pour finir à la guerre. Aux ordres de quelques sabreurs qui exigeaient du bout des lèvres qu'ils aillent ouvrir au champ d'horreur leurs 20 ans qui n'avaient pu naître. Ils mouraient à pleine peur, tout miséreux, oui, notre bon maître, couvert de prêtres, oui, notre monsieur. Demandez-vous, belle jeunesse, le temps de l'ombre d'un souvenir, temps du souffle d'un soupir. Pourquoi ont-ils tué Jaurès? Pourquoi ont-ils tué Jaurès? Alors, comme presque chaque fois, je vous propose une revue de presse, parce que les journaux commencent à s'empiler. Lubrizol, un rapport avait anticipé le drame. Tiens. Un rapport de la compagnie d'assurance FM Global, remis le 23 septembre à Lubrizol, pointait les risques d'un incendie tel qu'il s'est produit le 26 septembre. Alors, vous voyez, le rapport de la compagnie d'assurance a été remis le 23 septembre et l'incendie s'est produit le 26 septembre, 3 jours plus tard. C'est une coïncidence. Notre actualité est faite de coïncidences. Polémique, religion, affaire Mila. Nicole Belloubet regrette ses propos. Ah oui, une ministre qui regrette ses propos. Les ministres macroniens, ils ont l'occasion de regretter leurs propos presque chaque fois maintenant. Alors, il y a des fois, on se dit, mais il faut de la provocation, il faut exprès de dire des bêtises. Puis d'autres fois, il dit, ben non, c'est par bêtise qu'ils disent des bêtises. Alors, est-ce que c'est de la bêtise ou de la connerie? Chacun fera son idée, bien sûr. Hein, ben oui, quand on va voter, on vote chacun son tour. Là c'est pareil. Pour se faire une opinion, on est assez grand, chacun. Alors, 5 cas de coronavirus, l'état des 5 malades n'inspire pas d'inquiétude. Particulière, selon la ministre de la Santé. 11 personnes au total sont hospitalisées à Lyon, Grenoble et Saint-Étienne. À Haute-Savoie, un dispositif d'urgence est activé. Oui, voilà, on verra. On apprendra les choses au fur et à mesure, avec souvent un temps de retard plus ou moins considérable, parce qu'on n'a pas forcément envie de nous informer. Brexit, de la prudence pendant la transition. Vosges Économie. Alors que le Royaume-Uni a adopté le Brexit, officialisant sa sortie de l'Union européenne, certaines enseignes vosgiennes impliquées avec le pays d'outre-Manche, à l'image de Garnier-Thiébault, sont dans l'attente des nouvelles mesures quant aux échanges commerciaux. Qu'on se le dise. Une année 2020 qui s'annonce compliquée. Épinal Économie. La Banque de France avait invité les principaux acteurs économiques des Vosges ce vendredi afin de faire un point sur la conjoncture. Après une année 2019 marquée par une reprise de l'activité, l'année 2020 s'annonce beaucoup plus incertaine. Est-ce que ça serait le coronavirus qui serait responsable de cet infléchissement de ce fléchissement de la courbe de la croissance économique de l'agrandissement de la richesse nationale etc etc Est-ce, ou n'est-ce pas, les gilets jaunes qui seraient responsables? Ah ben oui, il y a plein de petits magasins qui sont en difficulté à cause des gilets jaunes. Eh oui, oui, oui, oui. Eh ben, il faut toujours trouver un responsable ailleurs. Hein. 3 jours pour s'orienter à tout âge. Alors, Épinal, Festival des métiers. Rendez compte, Festival des métiers. Oh, plus de 150 métiers et leurs formations dispensées dans les Vosges seront présentés du 13 au 15 février lors du Festival des métiers et de l'orientation. Un rendez-vous au centre des congrès d'Épinal qui s'adresse aussi bien aux scolaires qu'aux adultes. Alors, moi, je serai un jeune à la recherche d'une orientation, un jeune qui ne sait pas encore trop quel métier il va choisir. Eh bien, je poserai la question, dites-moi quel est le métier dans lequel il n'y a pas de chômage. Quel est le métier dans lequel il n'y a pas de chômage? Hein? Alors, est-ce que nos grands économistes, nos spécialistes locaux, départementaux, régionaux, etc., pourront répondre à cette question-là? Dans quel métier n'y a-t-il pas de chômage? Parce que je me souviens qu'il y a une époque où, tout début de, vous savez, dans les années 80, au début de l'informatique, de l'informatique individuelle, de la mini, de la micro-informatique, il y avait des pages complètes du journal où on offrait des postes, des emplois à des programmeurs, analystes programmeurs, voilà, analystes programmeurs, des pages complètes. Et puis, un jour ou l'autre, il y a un logiciel qui est arrivé, puis qui a plus ou moins remplacé tous ces gens-là, et du jour au lendemain, fini. Plus besoin d'analyste programmeur. C'était pourtant le métier d'avenir. Le métier d'avenir. Oh là là là. Il y a plein de gens qui allaient travailler là-dedans, et puis c'était passionnant, et puis c'était bien payé, et puis, etc. Et d'un coup, du jour au lendemain, tant, fini. Fini. Ah, ah, ah. Ils s'étaient trompés. Les chefs s'étaient trompés. Ou ils nous avaient trompés. Peut-être un peu les deux. Dans son acception générale actuelle, le mot populisme désigne une approche politique qui a tendance à opposer le peuple aux élites politiques, économiques et médiatiques. Alors, je suis d'accord avec cette phrase-là, sauf peut-être un mot, le mot élite. Le mot élite, c'est un mot fourre-tout dans lequel... voilà. Alors, moi, opposer le peuple aux élites politiques, alors je mettrai opposer le peuple aux parvenus, alors politiques, économiques et médiatiques, les parvenus, qui veulent se maintenir, même s'ils n'ont aucun talent, même s'ils n'ont aucune efficacité, à partir du moment où ça arrivait quelque part, ben évidemment, ils se cramponnent, hein, et quand ils voient le chômage qui est autour d'eux, ben ils sont prêts à tout, à n'importe quoi, pour rester à leur poste, voilà, faire des promesses qui ne tiendront jamais, etc., etc. Le sentiment d'exclusion du pouvoir, même élu démocratiquement, est à la base de cette attitude qui touche aussi bien les sensibilités politiques de droite que de gauche. Le populisme se réfère à un peuple, qu'on estime exclu du pouvoir et non écouté par la démocratie représentative, jugé coupé des réalités. La démocratie représentative jugée coupée des réalités. Tiens, tiens, oh, c'est à méditer ça, hein, c'est à méditer. Et oui, ben, les journalistes qui à longueur d'antenne utilisent le mot populisme, ben, il ferait bien de nous renseigner sur le sens véritable de ces termes qui est utilisé à mauvais escient puisque il est dénué de sens, hein, c'est vide, c'est bon, voilà, hein, oui. Populisme, ah oui. Populisme, ça fait allusion à un autre terme bête et méchant et méprisant, populace. Hein? Moi, je préfère le mot peuple, voyez-vous? Peuple. Hein? Peuple, et au lieu de populiste, je dirais populaire. Hein? Qu'en pensez-vous? La réunion publique de territoire zéro chômeur peu suivie. Ah, une politique publique de territoire zéro chômeur qui est peu suivie. Ben oui, parce que les gens... Et à votre avis, est-ce qu'ils ont encore des illusions? Hein? Est-ce qu'ils ont encore des illusions? L'année 1939, expliquée aux élèves par les pantalons rouges. Il n'y a rien à voir entre les deux articles se suivent, mais bon, ça n'a rien à voir. Encore que, vous pensez-vous qu'éventuellement il y aurait une... Oh, oui. Alors, Padoue histoire. L'année 1939 a été l'objet d'une conférence débat à l'école de Padoue. Jean-Luc Romary, président des pantalons rouges, est notamment venu expliquer aux élèves comment est arrivée la guerre. comment est arrivée la guerre? La guerre de 39-45, comment elle est arrivée? Eh bien, tout simplement parce que certains Adolf Hitler est arrivé au pouvoir en 1933. Et ce qu'il y a de pire, ce qu'il y a de plus triste, ce qu'il y a de plus grave, c'est qu'il arrive au pouvoir pour mettre une dictature en place, mais élu démocratiquement. Élu démocratiquement. Ça, c'est très très grave. Hein. Élu démocratiquement, pourquoi? Parce que l'opinion publique avait été poussée doucement, doucement, par la presse allemande, par les industriels, par les banquiers, par la bourgeoisie, etc. Ils avaient poussé le peuple, une partie du peuple, vers l'idéologie nazie, vers cet individu. Et moi, je pense qu'il y a des Allemands qui ont voté pour lui, et le bulletin de vote n'était pas arrivé au fond de l'urne, que déjà il disait « mince, j'ai sans doute fait une bêtise ». Eh oui, trop tard. L'enveloppe était, le bulletin était tombé dans l'urne, c'était trop tard, on pouvait pas le retirer. Eh oui. Donc 12 ans de fascisme, 12 ans de nazisme, et 60, 65 millions de morts. Voilà. Dont un Allemand sur 6 est mort des suites de la guerre. Ah oui, et 17 millions de Russes. Hein, oui, c'est eux qui ont payé le plus cher. Hein. Ben oui, puisqu'il s'agissait en définitive de détruire la classe ouvrière européenne et l'Union soviétique. C'était ça le but de la Deuxième Guerre mondiale. Hein, ben oui, bien sûr. Alors donc, la bourgeoisie allemande était d'accord pour ça. Hein, et puis, la bourgeoisie européenne n'était pas forcément pour, mais elle était loin d'être contre. Hmm, voilà. Vecoux. Le village se mobilise pour trouver un nouveau maire. L'inquiétude est forte à Vecoux, qui pourrait se retrouver sans maire aux prochaines élections municipales. Les habitants ont assisté en force à la réunion publique de ce mercredi soir. Ils ont leur destin entre leurs mains. Et vous voyez, le peuple, ben oui, c'est le dernier recours. C'est lui qui décide, c'est lui qui doit décider, c'est lui qui peut décider, le peuple. Voilà. Campagne électorale sur fond de climat tendu. Ah. La réforme des retraites va-t-elle perturber la campagne municipale? Ah. Élus et candidats de la majorité, mais pas seulement, font l'objet d'intimidation, voire plus dans un climat social délétère. À moins de 40 jours des élections, beaucoup s'en inquiètent. Eh oui, si les gens se mettaient à voter n'importe comment, c'est-à-dire qu'ils se mettent à voter contre tous ceux qui sont au pouvoir, qui ont été au pouvoir il y a pas longtemps, ou il y a un peu plus longtemps, et qui n'ont rien fait, qui ont laissé s'installer le chômage et la misère dans le pays. Et ça pourrait nous amener des choses pas forcément très amusantes. À moins qu'ils votent très bien. Ah oui, alors si les gens se mettent à voter très bien, si les gens sont insoumis, ben oui, parce que dans la vie, il y a deux sortes de gens seulement, deux sortes, pas trois, il y en a deux. Il y a les soumis et les insoumis. Eh oui, les insoumis ou les soumis. Voilà, il faut choisir votre camp, vous êtes l'un ou vous êtes l'autre. Alors évidemment, quand vous avez choisi votre camp, il faut accepter les conséquences, hein. Ah oui, oui. Si on accepte d'être soumis, ben, faut être soumis jusqu'au bout. Ah oui, les Allemands ont choisi d'être soumis. Ben, ils ont été soumis. Ah oui, oui. Ah, ils ont fait de la marche à pied, hein, entre la frontière espagnole et le fin fond de la Russie, là. Et il y en a beaucoup qui sont, qui sont restés dans les champs, là-bas. Ouais, oui. Enfin. Comme ça. Faut que les gens soient bien informés. Faut qu'ils s'informent. Faut s'informer. Faut faire l'effort de s'informer. L'effort de réfléchir, et puis après, il faut faire l'effort de voter bien, hein, ben oui, de voter dans l'intérêt de soi-même et de son entourage, de sa famille, de sa classe sociale. École et pauvreté, une frontière poreuse. Eh oui, eh oui, eh oui. Comment étudier convenablement si je ne mange pas à ma faim, si je ne dors pas correctement, hein? 400, à mon époque, dit un journaliste, à mon époque, nous étions à peine 15% à passer le bac. Un seul bac d'ailleurs. 400 000 jeunes chaque année sortaient du système scolaire sans diplôme. 400 000 jeunes chaque année sortaient du système scolaire sans diplôme. Aujourd'hui, c'est 80 000. Voilà. Et est-ce que les électeurs de l'époque votaient mieux que les électeurs de notre époque? Oui, hein, oui, bien sûr. Ben oui, eux, ils n'avaient pas la radio, les radios, y compris les radios libres, la télé, etc., pour les informer. Oui, hein. Alors si nous, on vote mal, on est inexcusable, hein, parce que eux, ils étaient bien obligés de se faire une opinion et ce qu'ils avaient. Et nous, on a les moyens et on ne fait pas forcément l'effort nécessaire pour bien s'informer, pour bien voter. Coronavirus, course contre la montre de Labo Lyonnais. Au Centre international de recherche en infectiologie, le laboratoire Virpat devrait démarrer lundi des tests pour identifier un traitement contre le 2019-nCoV. COV, c'est abréviation vraisemblablement de coronavirus. Sa stratégie consiste à chercher parmi les médicaments déjà commercialisés des molécules qui permettent aux cellules de résister au virus. Eh oui, on ne cherche pas. Enfin, il y a des laboratoires qui font des recherches pour mettre au point le plus vite possible un vaccin contre ce virus, mais il y en a qui sautent carrément l'étape vaccin, ils laissent ça à d'autres, et ils cherchent directement un traitement susceptible de freiner l'évolution de la maladie, ou si possible de l'enrayer, hein, de stopper l'épidémie. Voilà, bien bravo les scientifiques, eux ils travaillent bien. Eh oui, malheureusement, bah, ils peuvent pas brûler les étapes. Alors, Engie, Isabelle Cochet, débarquée. Entreprise énergie. Le conseil d'administration extraordinaire d'Engie a sans surprise décidé de ne pas renouveler le mandat de la directrice générale d'Isabelle Cochère. La seule femme dirigeante du CAC 40, devra quitter son poste en mai. Tiens, moi je croyais qu'on n'était pas, enfin, bon, qu'on était mieux que ça, dans la Macronie, mais non. Réforme du bac, les blocages continuent. Ben oui, parce que c'est du contrôle continu un peu bizarre. L'idée n'est peut-être pas mauvaise, hein, mais il faut l'étudier bien dans le détail, hein, parce que c'est très grave. Hein. Faut pas jouer avec l'avenir des gens. Les écologistes arbitrent le duel Hénard-Klein. C'est à Nancy. Alors voilà, les écologistes vont arbitrer. Ouais, j'espère qu'ils feront pencher la balance du bon côté. Hein. Eh oui, parce que, bon... Maintenant, on a des raisons de se méfier quand même, de plus en plus. Hein. Retraite, les syndicats toujours mobilisés. Les syndicats. Certains syndicats. Hein. Ça fait un certain temps que je regarde les banderoles dans les manifs. Eh bien, il y a des syndicats qui sont passés sous le tapis, sous la carpette. Hein. La CFDT, par exemple. Ah oui, CFDT. Confédération française démocratique du travail. Vous rendez compte un peu? Ah, eh oui, le titre, c'est un couvercle quoi, qui cache le contenu de la marmite. Anticorps répond à Claudie Prouvost. Nous avons fait un signalement pour conflit d'intérêts car Madame Prouvost, adjointe à la mairie de Vittel et conseillère départementale, a été nommée présidente de la commission locale de l'eau et qui à son tour a nommé dans cette commission l'association Vigie de l'eau, spécialisée dans le contrôle de l'eau. Sauf que son président n'est autre que son mari, que son mari cadre chez Nestlé. Le référent Anticorps précise aussi que le procureur d'Épinal a envoyé ce dossier à l'agence française anticorruption qui a validé nos accusations. Eh oui, vous voyez, il y en a qui se battent. Pour eux, bah oui, ils défendent leurs intérêts personnels, les intérêts de leur famille, de leur classe sociale, de leur commune, etc. Mais ils se battent pour la société en général. Eh oui, ils ont raison de se battre. Ils ont bien du courage parce que parfois c'est payé cher de se battre. Hein, on peut perdre un œil, par exemple. Hein, ou on peut perdre son travail. Ou vos enfants peuvent perdre leur travail. Parce que si on ne peut pas trop faire pression sur vous, on peut faire pression sur les enfants. Ah oui. Rappelez-vous la scène de la crosse de pistolet posée sur la plaie dans les canons de Navarone. Hein, eh oui. Voilà. On peut. Alors, grande entreprise secteur de Nancy, tiens, offre d'emploi. Moi qui dis toujours qu'il n'y a pas d'offre d'emploi dans vos chemins, eh ben là, il y en a. Grande entreprise secteur de Nancy cherche pour un CDD de 6 mois. Technicien, technicienne de maintenance, électromécanicien, mécanicienne. Expérience obligatoire, rémunération motivante, etc. Écrire à l'Est républicain. Hein. Alors, imaginons, vous habitez à Miremont et vous postulez pour ce poste de travail. Eh bien, vous savez que vous n'avez que pour 6 mois. Alors, pour 6 mois, est-ce que vous allez pouvoir trouver un logement? Est-ce que vous allez chercher un logement? Ou est-ce que vous allez faire les kilomètres tous les jours? Est-ce que... voilà. Et puis, dans 6 mois, vous devenez quoi? Hein? Oui. Bah, une vie, ça dure un peu plus de 6 mois. Hein? Il faut que les gens soient assurés d'avoir un minimum, le minimum vital, messieurs les dirigeants. Hein, un minimum vital. Municipal, donc, et Picosé, unis pour leur village. Alors, autre chose, tiens, après la tragédie d'Abermesnil, le colonel von Valade sera-t-il extradé? Le 27 octobre, le sous-officier Ebert du 4e régiment de Landwehr fut fait prisonnier par les Français dans le village d'Abermesnil, près de Lunéville. Il y avait pénétré après avoir demandé à une femme si l'ennemi ne s'y trouvait pas. La femme avait répondu « Je ne sais pas ». En guise de sanction, le colonel von Valade fit tirer des obus sur le village. Mais 10 ans plus tard, trouvant que cette sanction était 10 jours plus tard, pardon, trouvant que cette sanction était insuffisante, il publia un ordre du régiment où il prescrivait une nouvelle punition sans pitié pour les habitants d'Abermesnil. Alors plusieurs maisons seront à incendier ou à détruire et 2 ou 3 habitants seront à fusiller au milieu du village, etc., etc. Voilà, tout un article. Alors, le colonel von Valade, il est mort depuis longtemps, hein, parce que cet article-là, c'est de 1920. Hein, et les faits, c'était en 1914. C'est pas aujourd'hui qu'on verrait des choses pareilles. Ah ben non, c'est sûr. Hein. Regardez un peu nos politiciens, et vous pouvez t'assurer, rassurer. Regarde Saint-Christophe et va rassurer, disait l'autre. See you.